Comme dans un film. Matmati Mahamar, écrit en 2003. Je mènerai, si Dieu le veut, mon combat jusqu'au bout, quand combien même le bout se trouverait dans la gueule d'un lion. Non, je ne pleure pas sur mon sort. Je pleure sur le sort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants assassinés, torturés et emprisonnés parce que leur seul crime était d'être de véritables musulmans. Non, je pleure pour ceux et toutes celles qui ont perdu un être cher et dont les criminels courent toujours. Je pleure parce que je sais que les criminels de ces horreurs qui se trouvent en Algérie, aux États-Unis, en France ou ailleurs, ne seront jamais inquiétés. Ils ne seront jamais inquiétés car ils tiennent entre leurs mains le bâton du pouvoir. Introduction du livre. Tu verras. Ils verront. Et nous verrons. Ce livre, que j'ai décidé de rédiger, n'est pas un livre, encore un livre. Ce que je vais vous narrer est avant tout la vérité, et rien que la vérité. Une vérité que peut-être, sûrement, nul n'a, je pense, vécue avant moi, et dont j'espère sincèrement que nul autre ne connaîtra. Même les scénaristes les plus délirants d'Hollywood n'ont jamais songé à aller aussi loin dans le sensationnel. Et pourtant, cela se passe non pas au cinéma, mais si l'on s'y croirait, mais bien dans la réalité, et plus grave encore, en France. Il va sans dire que nul n'est à l'abri de ce qui m'est arrivé, et j'ai la conviction profonde que nombre de personnes, pour les motifs les plus souvent politiques, ont été victimes de complots visant à les faire inculper ou tout simplement éliminer. Un accident est si vite arrivé. Probablement aussi vite que l'affaire qui sera classée sans suite. Le mot « relax », « non-lieu », « sans suite », rarement je ne les ai entendus. D'ailleurs, tout comme ne les ont entendus, je dirais, les détenus ordinaires. A contrario, nous les entendons pour ainsi dire tout le temps, lorsqu'il s'agit d'affaires visant des hommes politiques. Qui oserait le nier? Il y a au-dessus de la justice, la politique, et au-dessus de la politique, l'intérêt. Et l'intérêt n'a ni Dieu, ni morale, ni loi, ni conscience. La raison d'État, me semble-t-il, le prouve. Il n'est donc pas du tout étonnant que nombre de personnalités politiques parfaitement intègres se soient battues pour que cela cesse, pour qu'enfin la justice retrouve un peu de sérénité et surtout, surtout de crédibilité. Malheureusement, elles n'ont pas été entendues. Le seront-elles un jour? J'en doute fort. Peut-on entendre une voix parler dans un concert de rock? L'effort qui avait été fait par les socialistes en faveur d'une justice plus équitable a été balayé d'un coup de manche par la droite nouvellement arrivée au pouvoir. Non seulement cela a été balayé, mais la répression s'est considérablement accrue par la création de nouveaux délits entre autres. La seule solution que le gouvernement ait trouvée à la petite délinquance est la répression, et rien que la répression. Bien qu'il demeure évident que seule une réponse sociale peut résoudre les problèmes sociaux et non la prison est rien que la prison. Alors tout laisse à croire que l'on ne désire nullement résoudre, mais détruire, éliminer. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'État se croit si puissant qu'il pense pouvoir tout se permettre. En ce qui me concerne, je crois que seul Dieu et lui seul est omnipotent. En ce monde, l'invincibilité n'existe pas. Pour ceux qui en doutent, l'histoire est là pour la leur rappeler. Viendra sans doute le jour où ceux et celles farouches partisans non pas de la justice, mais de la répression jusqu'au boutiste regretteront amèrement leur politique. Ce n'est pas une menace, c'est une prédiction. À défaut de pouvoir ou vouloir résoudre les problèmes engendrés par une société qui semble prendre l'eau, on emprisonne. C'est beaucoup plus simple et surtout, moins contraignant. Pourquoi s'embarrasser avec un colis qui pèse très lourd et dont le contenu n'a peu de valeur? Jetons-le à la poubelle. En définitive, il existe trois catégories de personnes. Il y a celle qui vit grâce à son travail, bien. Il y a celle qui survit, et il y a celle qui meurt à petit feu. La troisième catégorie regroupe près de 2/3 de la population. Et parmi ces 2/3, il y a ceux qui se refusent à l'idée de mourir à petit feu. N'ayant pas trouvé de réponse auprès de l'État, car il me semble que c'est quand même à lui de créer des emplois, des logements, c'est à lui que revient la responsabilité de veiller à ce que les citoyens ne meurent ni de froid, ni de faim. Responsabilité qui a su si bien assumer avec la question de la sécurité. Les nécessités ont donc décidé de se débrouiller seuls. Au vu de la loi, ils ont tort. Au vu de la nature, ils ont raison. Et il me semble qu'une loi qui contredit la nature n'est pas une loi. En effet, quoi de plus naturel pour un homme que de vouloir manger, boire et dormir dignement? Mais il faut croire que l'État n'a pas, en légiférant, pris en considération les lois de la nature et se contrefiche royalement de la dignité humaine. Le budget de l'État sert à tout, sauf à améliorer le quotidien des gens. Si la masse populaire n'avait pas réagi face à certaines, pour rester décent, inégalités et injustices, l'État se serait bien gardé de les résoudre, dans la mesure où il est le seul et ô combien efficace forgeron. Combattre le crime et l'injustice est une tâche noble et juste. Et c'est d'ailleurs la volonté de tous les gouvernements et religions de la Terre. Ce qui me semble être complètement aberrant est que l'on crée un régime de vie inique. Et quand certaines personnes soumises à ce régime de vie plus courageuses, pour certains, plus téméraires pour d'autres, décident de réagir, on les montre du doigt et les accuse de ne pas respecter la loi. La logique est que toute personne qui transgresse la loi est un délinquant, un mauvais citoyen, quelqu'un de pas bien. Vu de surface, cela est parfaitement exact. Vu de surface. Alors que cela est faux. Il faut, comme on dit, essayer de voir plus loin que le bout de son nez. Les États dits démocratiques ont combattu et combattent nombre d'idéologies à travers le monde, au seul et unique prétexte qu'elles ne sont pas, selon eux, justes et morales. Comme ce fut le cas du nazisme, aujourd'hui de l'islam. Selon eux, les citoyens et ces États, ou fidèles de cette religion, ne doivent non seulement pas obéir à ces régimes, mais bien plus. Ils se doivent de les combattre par les moyens dont ils disposent. Et ce, même s'ils sont arrivés au pouvoir par la voie dite démocratique. Et s'ils ont besoin d'un coup de main, les démocrates s'empresseront de leur fournir. Souvenez-vous, lors de l'ascension au pouvoir de l'imam Khomeini, la France, les États-Unis et bien d'autres pays dits démocratiques avaient fourni des armes à volonté au mercenaire Saddam Hussein afin qu'il combatte cette nouvelle menace. La menace dite islamiste. Cela sans se soucier une seule seconde de la vie des civils qui, comme d'habitude, paieront le plus lourd tribut. Quant à l'Arabie Saoudite, elle versa, comme à son habitude, et c'est d'ailleurs tout ce dont elle est capable, des millions de dollars au régime irakien. On avait menti au monde. On disait que l'Irak et l'Iran se tapaient dessus pour une sombre histoire de territoire. La vérité fit surface lors de la guerre, ou plutôt l'attaque du Golfe. Et c'est à ce moment-là, comme on l'a affirmé, à une embrouille territoriale. Mais à la suite de l'agression injuste par l'Irak, manipulée, comme à son habitude, par la France et les États-Unis entre autres, afin d'éliminer le nouveau combien indésirable régime iranien. En effet, les États démocratiques craignaient, il est vrai, à juste titre, que le vieil homme exporte la révolution islamique. De ce fait, ils se sont autorisés à lui barrer la route, ce par l'intermédiaire du boucher de Bagdad. Jadis, cela s'appelait de l'ingérence. Aujourd'hui, cela s'appelle de la prévention guerrière. Plus d'un million de morts du côté iranien. Une prévention guerrière qui a fait plus d'un million de morts, femmes et enfants compris. mort parce que des hommes dirigeants de prétendues sociétés civilisées en avaient décidé ainsi. Nul doute que ces gens poursuivront leurs diaboliques œuvres, et cela au mépris des vies humaines. Leur intérêt passe avant celui de la vie, dont nous autres musulmans savons que Dieu a fait sacré. Or, la seule chose sacrée chez ces gens-là est leur fauteuil. Et ils n'hésiteront pas à massacrer ou à faire massacrer par je ne sais quel complot sordide leur propre peuple, pourvu que cela leur permette de sauver leur intérêt purement personnel. D'ailleurs, le gouvernement algérien semble être un exemple en ce sens. En effet, il apparaît que nombre de massacres de civils soient l'œuvre non pas d'islamistes, mais de l'armée, donc du pouvoir. Ainsi, les Algériens, le gouvernement, massacrent des Algériens, les citoyens, et ce uniquement afin de garder le pouvoir. Il faut souligner que ces massacres ne sont pas le résultat de combats acharnés, mais d'une politique, et c'est le moins que l'on puisse dire, diabolique, dite de prévention. On tue femmes et enfants jusqu'aux nourrissons afin de jeter l'anathème sur l'islam ou l'islamisme. Pour ma part, je ne fais aucune distinction entre musulmans et islamistes, et islam et islamisme. On ne m'étourdira pas par la manipulation du verbe. Une personne qui pratique, ou qui croit pratiquer l'islam, s'appelle un musulman et non un islamiste, même si sa pratique ne semble pas être celle de tous. Ce n'est pas parce que l'on a un point de vue différent que l'on doit porter un nom différent. Je continuerai à appeler un chameau, même s'il n'a plus de bosse. Cela ne fait de lui ni un renard, ni un éléphant. Ce qui prouve bien que selon ces démocrates, ce n'est pas parce qu'un État est établi et que des lois sont en vigueur que l'on ne doit de respecter le gouvernement et les lois qu'il mettra en application. C'est ainsi que je fais le parallèle avec l'État, ou plutôt la politique, française. Ce n'est pas parce que ce gouvernement est établi et ses lois en vigueur que l'on ne peut remettre en question sa politique et ses lois. Bien sûr, si on le fait, on sera taxé, comme je l'ai dit, de délinquants et de voyous. Direction donc, la prison. Et c'est ainsi que le ministre de l'Intérieur se plaît à dire que tous ceux qui ne respecteront pas la loi, y compris ces nouvelles lois, le paieront cher. Qu'il faut être sans pitié avec la délinquance puisqu'elle fait fi des lois de la République. On oublie en route que la situation sociale est dramatique et de toute évidence inique de ces lois. Loin d'équilibrer la balance, y ajoutant constamment du poids. Ces lois de répression ne font donc qu'aggraver la situation d'une certaine couche de la société. Celle qui travaille dur, celle qui subit de plein fouet le chômage et la misère, celle qui croit encore un peu au beau discours. Celle qui ne mange pas sa faim, alors que d'autres se goinfrent tels des porcs, et bien sûr avec l'argent des contribuables, musulmans compris, qui n'ont d'autre choix que de payer toujours payer. Ils sont devenus les serviteurs, pour ne pas dire les esclaves, sans chaîne ni fouet, pour le leur rappeler. Une loi ne vaut que si elle est juste et équitable, sans quoi ce n'est que du blablabla. On doit beaucoup au combat de la rue. Même si M. Raffarin a dit « ce n'est pas la rue qui gouverne ». S'il n'y avait pas eu la rue, vous ne seriez probablement pas là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire au pouvoir. A-t-on déjà oublié que c'est la rue qui a fait aux dernières élections présidentielles bagarre au Front National? Mais l'on sait combien un gouvernement est ingrat. De plus, je croyais que le concept de la démocratie, c'était un régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même, sans l'intermédiaire d'un organe représentatif ou de représentant. Si donc ce n'est pas la rue qui gouverne, donc le peuple, nous ne sommes donc plus en démocratie, me semble-t-il. Moi, je le sais. Mais je parle pour les irréductibles, les crédules, ceux qui croient encore un peu. Combien d'hommes, de femmes, ont sacrifié leur vie pour défendre leur patrie? C'est certainement un nombre important, et sitôt la patrie libérée, on oublie le sang de ces braves combattants, alors que les nantis plutocrates, lorsque sifflaient les balles, avaient exilé je ne sais où, ou à faire je ne sais quoi. La liberté vient souvent de la rue. Bien plus en tout cas qu'elle ne vient des urnes. Je connais la prison. Elle détruit l'homme, le déshonore, l'humilie et le dresse contre son prochain et surtout contre la société. Le seul vœu d'un prisonnier est bien sûr de sortir de prison et d'espérer non pas se réinsérer, mais que la prochaine fois, il le fera mieux et ne se fera pas prendre. Il se dit alors, il faut que j'aie moins de scrupules, moins de pitié, car souvent croit-il que ce sont des scrupules qui l'ont perdu. Alors il faut être sans pitié pour réussir, ou du moins pour avoir plus de chances de réussir. Jamais dans la société un homme n'a trouvé une réponse honorable à ses soucis. Jamais. Je n'ai jamais entendu un homme, en détention, ni même en liberté d'ailleurs, dire du bien de la justice. Pas plus qu'il ne dira du bien de l'administration pénitentiaire. Le prétexte selon lequel je ne fais que mon boulot. Et donc, je n'y suis pour rien, ne semble plus convaincre. Du plus haut de la pyramide, au plus bas de la pyramide, tous sont coupables et responsables. Tous. Il n'y a pas d'innocents. Pas même un seul. La haine a atteint son paroxysme. Les délits et les crimes seront dans les années à venir de plus en plus graves, de plus en plus sanglants. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les victimes ne sont que très rarement l'État, et encore moins les hommes d'État, mais plutôt le citoyen lambda. Il y a d'un côté l'État, la police et l'armée, et de l'autre, une grande partie du peuple. Le second ne se reconnaît nullement dans le premier. Alors où va-t-on, sinon dans le mur? La réinsertion est un mythe. N'a-t-on pas encore compris que les gens ne vont pas en prison de gaieté et de cœur? Le plus souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse à leurs problèmes, et la seule solution est d'enfreindre la loi pour survivre. Oui, pour survivre. Une fois de plus, une loi dont de plus en plus de personnes doutent, sans pour autant l'exprimer. Il est vrai que parfois, le silence est la meilleure des réponses. De plus, à quoi bon l'exprimer? Parler à un sourd ou à un mort n'a, et c'est le moindre que l'on puisse dire, aucun sens. Combien de citoyens aujourd'hui croient en la justice de leur pays? Probablement très peu. Il me semble que nul n'est né voleur ou drogué. Le crime, la délinquance et toutes sortes de psychopathies ne sont que le produit de la société. La pédophilie en est l'un des exemples les plus criants. En effet, il semble que ce crime, contrairement à l'homosexualité, n'a fait son apparition que très récemment. Il fut un temps, contrairement à d'autres crimes, où il n'existait pas. Un système diabolique engendre des démons. La drogue, la prostitution, le viol, les films X, les homosexuels, les pédophiles, la fornication, l'adultère et autres crimes et perversions ne sont que le résultat et le fruit d'une politique dite démocratique et tolérante. L'islam au pouvoir, ces crimes n'existeraient pas, ou de manière extrêmement rare. Alors qu'en République démocratique, quand ils ne sont pas tout simplement permis ou encouragés, ils ne sont pas réprimandés comme il le se doit. Je ne vois d'ailleurs pas comment une société débile pourrait engendrer des gens normaux. Une jument ne peut, me semble-t-il, engendrer d'un zèbre. La société est à l'image de ceux qui la dirigent. Les hommes ressemblent plus à leurs époques qu'à leurs pères. Tels vous serez gouvernés. La justice est certes impartiale, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'affaires civiles ou de droits communs, et encore. Il y a souvent des directives venant de l'étage du dessus ordonnant de réprimer davantage ce délit et moins celui-là. Pour telle ou telle raison, non pas juridique, mais politique. Alors, lorsqu'il s'agit de dossiers impliquant des sympathisants, je dis bien des sympathisants et non des activistes de telle ou telle autre cause politique, la justice devient le jouet des politiques, surtout lorsqu'il s'agit de dossiers islamiques ou dits islamiques. Et c'est justement d'islam dont il s'agit dans le présent ouvrage. En effet, lorsqu'il s'agit de dossiers de terroristes, corses ou de l'organisation séparatiste basque, le TA, par exemple, la justice se borne à arrêter les coupables visés ou susceptibles de l'être par des poursuites pénales. Cela est donc parfaitement compréhensible. Mais lorsqu'il est question de dossiers dits islamistes, terroristes, la procédure n'est plus la même. Celui qui dit que la loi est la même pour tous a certes raison. C'est la justice qui n'est pas la même pour tous. La justice française est une justice à direction et vitesse variable, et elle varie davantage lorsqu'il est question de dossiers politiques. Lorsqu'il s'agit d'opérations policières visant des prétendus islamistes terroristes, on effectue des rafles et arrête des personnes par dizaines, centaines. Le seul but étant d'effrayer, de dissuader, d'impressionner, de choquer, de bien faire comprendre à ces Arabes à qui ils ont affaire. Alors, gare à vous. Comme l'a si bien dit l'avocate Maître Coutant-Père, il s'agit de rafles. Exactement comme celle du Troisième Reich, à la seule différence que celle des nazis avait un but avoué. Ici, il s'agit d'hypocrisie évidente. Il n'est donc pas étonnant que nombre de pratiques inventées par les nazis avaient été reprises par les démocraties. Comme par exemple la jeunesse hitlérienne. On a aujourd'hui la jeunesse de la gauche, de la droite ou du Front National. Il n'est donc pas choquant de voir arriver d'autres pratiques condamnées par des démocraties et aujourd'hui pratiquées par elles, certainement de façon édulcorée. Selon mon expérience, il me semble que 70% des personnes interpellées dans les affaires dites islamistes n'étaient aucunement visées par des textes de loi et de délit de connaître un prétendu activiste, de dire bonsoir à un prétendu activiste ou d'avoir le numéro de téléphone d'un prétendu activiste. N'existe, Dieu merci, pas, ou du moins, pas encore. Il n'existe pas. Mais combien cher il est puni ? Presque aussi cher, sinon plus, que le crime de pédophilie. Peut-être parce que le pédophile est le produit de la société. C'est un peu son petit bébé. Un bébé qui a fait des petites bêtises. Un peu comme un enfant mal formé, que les parents chérissent quand même. Ce qui est bien normal. Alors qu'un prétendu islamiste terroriste, c'est l'étranger, le voisin d'en face. Celui qui veut que cela cesse, qui veut mettre fin à ce bordel. Un peu comme un enfant mal formé, exactement comme le précédent, et que l'on rencontrerait dans la rue, notre regard se posera sur lui, avec une certaine gêne. On le regardera du coin de l'œil. Ce qui veut dire que l'on accepte davantage les crimes, pour le moins odieux, liés à notre société, que les délits liés à une morale, une justice venue d'ailleurs, en l'occurrence, de l'islam. Il est bien évident que la police sait approximativement, et ce, avant même d'interpeller les personnes, qui a fait quoi ? Est-ce qu'il convient d'interpeller telle ou telle autre personne ? Quand je dis « convient », je veux dire, est-ce que les charges censées culpabiliser la personne sont suffisantes ou pas afin de procéder à son arrestation ? Ils savent pertinemment qu'il n'y a pas de charge pénale qui culpabiliserait la personne, comme ils savent qu'il sera quand même envoyé en prison. La seule motivation de ces opérations réside non pas dans des raisons judiciaires, mais dans des raisons purement politiques. Elles visent, comme je l'ai dit, à effrayer la communauté et par conséquent à engendrer la crainte du gendarme caché derrière chaque voiture. C'est exactement la politique des pays arabes, en particulier du Maroc et de la Tunisie. Ce qui n'est pas étonnant, car ils sont tous les deux les élèves de la France. Et quel élève ! Arrêter seulement et uniquement les coupables s'avérerait être une tâche beaucoup plus difficile et trop juste. Et ces gens, il faut croire, ne méritent pas la justice. De plus, où irait la justice si elle ne devait incarcérer les gens qu'après avoir eu les preuves formelles ? C'est exactement ce qui vient de se passer au Maroc. À la suite des attentats qui ont frappé la ville de Casablanca le 16 mai de cette même année et qui ont fait 44 morts, la police marocaine a arrêté et fait traduire en justice environ 700 personnes. De qui se moque-t-on ? Comme d'habitude, de nous. En effet, comment peut-on raisonnablement expliquer qu'à peine 2 mois après les attentats, la police marocaine a non seulement pu arrêter, mais traduire en justice 700 personnes ? Cela est parfaitement impossible, à moins bien sûr d'employer tous les moyens. Extra-légaux, extra-judiciaires, etc., etc. De toute évidence, il s'agit là non pas d'interpellation, mais encore une fois de rafles. Incapables de prévenir ces attentats, mais foutrement capables d'arrêter 700 présumés terroristes, et cela en à peine 2 mois. Ce qui revient à dire qu'en à peine 2 petits mois, la police du roi a pu arrêter, apporter la preuve ou même de forts indices que ces 700 personnes étaient de près ou de loin impliquées dans les attentats, justifier le mandat de dépôt et les faire traduire en justice afin d'être jugées. Le moindre que l'on puisse dire est que cela est une justice à la Mike Tyson, expéditive. Comment peut-on penser, un seul instant à travers ces faits, qu'il s'agit de justice? S'il y a 10 individus parmi ces 700 personnes véritablement concernées par les faits qui leur sont reprochés, cela est un très bon résultat. Presque aussi bon que celui que l'on a connu en France. Mais il s'agit, ni plus ni moins, d'innocents, donnés en pâture au bas peuple qui crie « vengeance ». De plus, un État prétendu fort ne peut rester sur un échec, sur un coup, sans le rendre en centuple. Cela est le propre de la plupart des États du monde. Sauf de l'islam, qui véhicule un code sans doute dur, si l'on veut, mais juste. La loi de Dieu, contrairement à celle des hommes, ne porte pas de cagoule. De plus, on apprend à la lecture du magazine L'Express en date du 31 juillet 2003 que Amel Merzoug, le jeune Algérien qui purge actuellement au Maroc une peine de prison pour terrorisme, a été sérieusement passé à tabac par la police du roi. Pourtant, on le sait, ce dernier s'était ravisé au dernier moment en vidant son chargeur, non pas sur les Juifs, comme le plan le prévoyait, mais sur un mur. Qu'il ait vidé son chargeur sur un mur ou sur un groupe de Juifs, cela semble n'avoir eu aucun effet sur la justice de ce pays. De plus, il semblerait que la répression à l'encontre des musulmans ne s'est pas seulement accrue à l'extérieur des prisons, mais aussi à l'intérieur des prisons. En effet, on apprend à la lecture du quotidien Le Monde que l'avocat d'Ahmed Zawi, actuellement détenu en Nouvelle-Zélande pour une affaire de terrorisme, a déclaré mardi 2 septembre que son client était détenu dans des conditions, je cite, « cruelles et inhumaines ». Un bien drôle de traitement pour un pays qui se dit démocratique et civilisé. Autre exemple. Le 12 juillet 2003, 10 condamnations à mort ont été prononcées par la Chambre criminelle de Rabat, dont 3 à l'encontre des kamikazes de Casablanca, qui pourtant, au dernier moment, avaient choisi de ne pas passer à l'acte. Ce qui prouve bien que ces sentences n'ont rien de juste, et que de toute façon, acte ou pas acte, ce n'est pas le crime et uniquement le crime que l'on poursuit, mais bien l'idéologie. L'islam est un grand « i ». Qu'a fait la France pour que ses citoyens détenus dans les prisons du roi ou à Guantanamo obtiennent un traitement plus humain? Rien. Ou pas grand-chose. En tout cas, pas assez. Ce n'est évidemment pas une question de moyens, mais de volonté. La volonté qu'elle a su trouver lorsqu'il fut question d'aller se ridiculiser en tentant de sauver Ingrid Betancourt là-bas, quelque part en Colombie. Mais il faut croire que la volonté ne suffit pas. Il faut aussi la compétence, qui fut, et c'est le moindre que l'on puisse dire, absente ce jour-là. D'ailleurs, je n'ai jamais cru aux commandos de choc. Ils ont déjà du mal à faire face aux incendies de forêt. Alors, ma logique me fait dire que face à la mort, il n'y a pas de surhomme. Quand on se prétend hyper efficace de telle ou telle unité de choc, ce n'est que du pipeau. Quand les balles sifflent, tout le monde baisse la tête. Sauf que nous autres musulmans sommes censés la baisser un peu moins bas. La France aujourd'hui, c'est quoi? La France aujourd'hui, c'est un président compromis dans des affaires d'escroquerie. Un maire de Paris homo, un premier ministre ancien VRP chez Jacques Vabre, et un ministre de l'Intérieur qui se trompe de but et qui marque contre son propre camp. Sa politique donnera exactement le contraire du but recherché. L'avenir prouvera que j'avais raison. C'est en général ce qui se passe quand on agit plus vite que l'on réfléchit. Et quand on ne réfléchit que dans un sens, celui de la police. La droite nouvellement arrivée au pouvoir se vante de ses bons chiffres et d'avoir un ministre de l'Intérieur entreprenant, alors que ce ministre n'a fait qu'une seule chose depuis qu'il est au pouvoir. Accentuer la répression, plus de flics, plus de lois répressives, plus de moyens pour la police. Ce que la gauche s'était refusée à faire, non pas par manque de compétences, mais par souci d'équité. Il lui a semblé que la solution n'était pas de réprimer davantage, mais de comprendre le problème et de trouver une solution juste. Cette solution, la droite l'a trouvée. Plus, toujours plus de répression. En conclusion, cette solution, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, n'est pas une découverte, mais uniquement un retour à l'épée. Cette politique est le propre des dictatures, l'écrasement de tous ceux et celles qui contreviennent à la loi. Cela sans se soucier du bien fondé de la loi et surtout sans se soucier du besoin des gens. On n'édicte pas des lois prétendument modérées afin de satisfaire le peuple, ce peuple déjà perturbé et ô combien fourvoyé. Des lois que l'on sait inefficaces, mais de belles apparences. Leur lecture nous donne l'impression que même le grand prophète Salomon en serait jaloux. Mais en réalité, il n'en est strictement rien, mais alors rien du tout. Et face à la menace, il faut, à défaut, de pouvoir riposter par la loi, cette loi de complaisance, inefficace et impuissante, sortir l'artillerie lourde, coup tordu, magouille, complot, incarcération arbitraire, condamnation d'une extrême sévérité, le maximum prévu pour le code pénal, demande de mise en liberté systématique rejetée par le juge d'instruction comme par la chambre d'accusation, si bien qu'on la surnommera la chambre de confirmation, procès bâclé et de masse. L'article 144 du code procédure pénale que l'on brandit avant même que le prévenu ne soit rentré dans le bureau du juge. La liste est longue, bien trop longue. L'État panique et panique vite. Il perd son assurance, doute de lui. Alors il se déchaîne, telle une bête blessée et traquée. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. L'article 144 du Code de procédure pénale réglemente en partie la mise en détention préventive du prévenu. En théorie, il charme. C'est pour ainsi dire sa seule utilité. Charmé. En effet, il n'est pas du tout respecté. Un gouvernement qui vient à bafouer ses propres lois pour arriver à son but est forcément un gouvernement fragile. Le système des rafles est actionné à chaque fois que l'État est mis à mal. Il fait alors complètement abstraction à ses propres lois, de sa propre justice et agit en despote cruel. En fait, il ne montre que son vrai visage, qui est celui de l'hypocrisie et du mal en puissance, à l'identique du diable qui avance masqué. La France agit de même, à la seule différence qu'il existe en France, contrairement au Maroc, une opinion politique, des hommes, des femmes de loi, qui soient avocats, juges, procureurs, et qui se refusent à cela, c'est-à-dire de devenir les complices de ces crimes, qui consiste à faire traduire n'importe qui en justice afin de s'assouvir la haine politique, tout en faisant croire que la police est d'une efficacité redoutable. Elle, la France, est donc contrainte d'agir de façon plus habile, et donc de façon pernicieuse. La France, comme nombre de démocraties, commence à devenir une véritable démocratie bananière et de dictature moderne. Elle est un modèle de bonne conseillère auprès de nombreuses dictatures, Algérie, Maroc, Tunisie, etc., etc. C'est d'ailleurs en France que les pseudo-diplomates viennent prendre leur cours en matière d'écrasement des opposants et de lutte antiterroriste. Elle est, et demeurera, leur grande sœur hautement diplômée en la matière. Je ne pense pas être le seul à penser ainsi. Bien au contraire. Contrairement à ce qui est uniquement affirmé, l'absence de preuves n'a jamais empêché la justice d'incarcérer qui que ce soit. À défaut de preuves tangibles, elle s'arrange, et cela fait partie de son boulot, pour présenter les faits de manière à ce que les personnes concernées soient fortement présumées d'avoir commis le délit ou le crime poursuivi. D'ailleurs, la France n'est-elle pas le numéro un des détentions préventives en Europe ? C'est un réel travail psychologique. On veut détruire toute trace d'inclinaison vers la cause. Une cause qui pourtant est un dépit de persécution et de répression de toutes sortes, semble de plus en plus réelle. À croire qu'au lieu de jeter de l'eau sur le feu, on y jette de l'essence. Il faut quand même reconnaître qu'il est plus facile de combattre et de vaincre une menace dite terroriste de quelques centaines, sinon milliers de personnes appartenant à l'ETA, ou au FLNC et autres, qu'une association de malfaiteurs regroupant plusieurs centaines de millions de personnes. Ce n'est donc plus une association, mais une grande nation de malfaiteurs. Et c'est le moindre que l'on puisse dire. On sait qu'il existe plus d'un milliard de musulmans, donc plus d'un milliard de présumés terroristes. L'islam, que l'on veut distinguer de l'islamisme, pour des raisons de commodité guerrière, ne font bel et bien qu'un. Et qu'on le veuille ou non, il demeurera un seul dépit de tout et de tous. En réalité, l'islamisme n'est pas, comme on veut le faire croire, une maladie de l'islam, mais bien au contraire. Ce que l'on appelle islamisme n'est ni plus ni moins que la manifestation de l'islam authentique. Et la seule réserve que l'on peut émettre n'est pas sur le fond de la question, à savoir si l'islam et l'islamisme ne font qu'un, mais bien sur la forme, c'est-à-dire sur les actes qui ont été commis au nom de l'islamisme. Donc, en langage non codé de l'islam, sont licites ou non, il ne fait aucun doute que ce terme islamisme, qui est tout à fait récent, probablement au XVIIe siècle, est utilisé seulement et uniquement afin de dédouaner le reste des pratiquants. Je m'explique. Si l'on diffuse l'information selon laquelle, par exemple, des musulmans sont probablement à l'origine de tel ou tel attentat, c'est alors plus d'un milliard de personnes que l'on suspecte. Et suspecter un milliard de personnes, c'est déjà partir battu dans cette lutte du bien contre le mal. Il est donc tout à fait stratégique d'user d'un autre terme afin d'éviter de se fâcher avec un milliard de personnes. Ainsi, le terme « islamiste » désigne non pas le milliard de musulmans, mais un petit groupe de personnes qu'il faut à tout prix écarter du troupeau et réduire en miettes. Alors que l'on sait pertinemment que les revendications de ces islamistes ne sont que celles de l'islam à quelques différences près sur telle ou telle autre matière. Comme l'a très bien compris le philosophe Christian de la Campagne, rédacteur au quotidien Le Monde, qui pense, je cite, « qu'il n'y a entre l'islam et islamiste qu'une différence de degré, non de nature ». Il est vrai qu'en cette époque d'hypocrisie, la science religieuse est plus à prendre chez les infidèles que chez les prétendus dirigeants musulmans. Méthode qui ne s'applique pas à tous. En effet, quel terme est utilisé? Lequel serait l'équivalent chez les juifs, par exemple? Il n'en existe pas. Ainsi, on se contente de parler d'extrémistes juifs, on reconnaît qu'ils sont juifs, mais extrémistes. Alors que dans le cas contraire, on dissocie islam et islamisme, musulmans et islamistes. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit, pour des commodités guerrières. Je fus ébloui par le formidable génie de certains juges à construire une maison sans briques. Probablement, et ce pour cela que l'on peut lire de façon constante dans les ordonnances de mise en détention des prétendus terroristes islamistes, les termes « on pense que », « tu laisses à croire que », selon certaines informations. En réalité, ce qui doit figurer comme « indice grave » ou « concordance » n'est plus que fantasme et délire. Nier cela, c'est nier qu'il existe un soleil. Je ne doute pourtant pas, un seul instant, que nombre de magistrats sont intègres. Ils deviennent alors eux aussi victimes des politiques. En clair, cela veut dire qu'on leur présentera des dossiers dont le contenu est en grande partie inexact, ou orienté de façon à ce que le juge croit que là, ou les personnes qu'il a en face de lui, sont sûrement des terroristes, au mieux, de potentiels terroristes, qu'il faut, bien évidemment, mettre, et si possible, garder en prison. À la place du juge, je réagirai exactement comme lui. Je ne crois cependant pas pouvoir être dupé par des informations si grossièrement erronées. En effet, n'importe quelle personne, en tant soit peu réfléchie, verra immédiatement les énormes contradictions et incohérences. Combien de fois, à la lecture de dossiers me concernant, et bien que l'accusation fût grave, je ne pus m'empêcher de sourire, sinon de rire. Et la plupart des avocats qui assuraient ma défense n'ont pas été dupes. Ils ont vite compris qu'il s'agissait d'un mini-complot. Il est bien évident, très difficile de faire du saumon avec de la sardine. Mais certains services ne perdent tout de même pas espoir. Ça bosse dur. Il faut croire à les entendre, et selon le nombre de personnes incarcérées en France, qu'il y a énormément de terroristes. Très bien. Mais où sont les attentats, sinon ceux que l'on connaît? En définitive, entre les faits avérés, les supputations et hypothèses de la police et du juge politique, on passe vite du vol de vélo au complot tendant à renverser l'État, et je ne schématise que très peu. Bien qu'il sache, le juge, évidemment, qu'il n'en est strictement rien. Ce n'est pas par hasard que Franz Rosenzweig écrit « La langue est plus que le sang ». Pour faire de vous un potentiel terroriste, la recette est très simple. Il suffit d'adhérer à une idéologie et de l'exprimer par de la sympathie, sans pour autant commettre la moindre infraction. Cela suffit pour faire de vous un dangereux terroriste islamiste dont la presse, en particulier le quotidien Le Parisien, titrera son torchon en ces termes « On a eu chaud » ou « Il ne manquait plus que les détonateurs ». J'ai lu dans ce quotidien des articles me concernant, lesquels n'étaient rien d'autre que mensonges et calomnies. Par conséquent, je sais de quoi je parle. Il paraît que lorsque l'on veut détruire un homme, on le calomnie. Et certains journaux savent parfaitement le faire, comme ce fut le cas dans l'affaire de Bagagiste de Roissy. Il n'était pas encore mis en examen que déjà la presse avait dressé la potence. Ce dont il faut le reconnaître, elle s'abstient de faire lorsqu'il s'agit de certains notables impliqués de façon grave, oui, j'ai bien dit grave, dans des affaires de mœurs. La loi est une, la justice est multiple. Les médias sont de toute façon manipulés et manipulateurs. J'ai connu des hommes considérés comme terroristes islamistes lesquels pourrissaient depuis plusieurs années en prison alors qu'ils furent tout simplement relaxés le jour de leur jugement. Oui, j'ai bien dit relaxés. Il était détenu uniquement pour avoir été vu avec telle personne, suspecté de connaître telle ou telle autre personne, elle-même suspectée de connaître telle autre personne qui, semble-t-il, avait des relations avec une autre personne, actuellement recherchée par la police pour avoir été vue avec telle ou telle autre personne, considérée être un activiste islamiste, lequel vivrait quelque part dans une montagne en Algérie, ou, selon d'autres sources, en Afghanistan. C'est un exemple. Beaucoup d'entre eux sont en prison pour des motifs similaires. Cela est certes très choquant, mais entre dans la même logique que celle des affaires des HLM de Paris. L'histoire du pauvre juge Alphan. L'histoire du représentant de la FAF, Fraternité Algérienne en France. Lorsque, lors d'une perquisition chez ce dernier, la police avait déposé un document visant à le compromettre. Manque de chance? Que dis-je? Manque de compétence? Le stratagème fut découvert et révélé par la justice et la presse. Où de la mort de ce brave et généreux type, Coluche, bien dupe est celui qui croit qu'il succomba à la suite d'un accident de moto, ou encore de la mort accidentelle de Lady Diana. Le délit d'opinion existe bel et bien en France. Je sais que beaucoup sont morts ou ont été emprisonnés pour avoir commis le crime odieux d'avoir pensé autrement et parce qu'ils souhaitaient donner forme à leur vision de la vie, de la société idéale. Tout comme moi, je crois à mes idées. Chacun ou presque croit au bien fondé de ses idées. Certains se battent pour elles, et d'autres tuent pour faire triompher ou protéger les leurs. Et c'est aussi le cas de tous les États. Mon histoire, comme je l'ai dit, se déroule non pas en Tunisie, au Maroc ou en Irak, mais en France, pays, dit-on, des droits de l'homme, de la démocratie et de la liberté. Comment aujourd'hui puis-je croire en ces valeurs, à ces mots? Je n'y crois plus, même si je n'y ai jamais vraiment cru. Je suis victime d'une partie de la justice française et d'une partie de la police française, qu'elle porte le nom de renseignements généraux ou de STUP, brigade de stupéfiants. J'ai subi les deux services parmi d'autres. Et c'est justement cette partie que je l'espère reste extrêmement minoritaire qui discrédite l'ensemble de la police de ce pays. Ce beau pays. Existerait-il sans la sueur des immigrés? Mon père, comme tant d'autres, est mort après avoir été humilié d'abord, pendant la guerre d'Algérie, ensuite, lors de son immigration en France. Il est hors de question que la nouvelle génération soit elle aussi la victime de cette France. Cette jeunesse vaut mieux que ça. Elle vaut mieux que se sacrifier pour la France, un pays qui n'est pas le sien, un pays profondément raciste et qui n'hésitera pas, le moment venu, d'abord, de nous rappeler que nous ne sommes que des sales métèques. Ensuite, de nous foutre un coup de pied derrière. Monsieur Le Pen n'a pas fait second derrière Chirac comme ça, par hasard. Je considère cet événement d'abord comme un avertissement, ensuite comme une information de premier ordre. De cela, j'en suis intimement convaincu, même si je ne suis pas sans ignorer qu'il existe de véritables braves gens, citoyens de ce pays qui sont eux-mêmes victimes de leur gouvernement. Je sais que dans nombre de professions, avocats, juges et même policiers, on se tient la tête. L'alternative pour eux n'existe pas. Chirac, Mitterrand ou autre, c'est pareil. C'est le système qui est pourri. Un système tout droit sorti de l'imagination d'une poignée d'hommes. Et quels hommes ! Les mots ne suffiront pas à faire oublier l'histoire. Et l'histoire, on le sait, se répète. Ce sont des juges, des flics impliqués dans de bien drôles d'affaires, dont nombre d'entre elles nous ont été rapportées par la presse. Même si les poursuites ont été rares ou légères. L'avenir, si j'ose parler d'avenir, de nous autres Arabes est soit le balai, soit la prison ou une balle dans le dos. Et si le flic s'est visé, dans la tête. Nous sommes les malvenus. Les faits divers le prouvent tous les jours. Les mots, je m'en contrefiche. Seuls les faits comptent à mes yeux. Inutile de rappeler que la majorité des Français ne fait plus confiance à la justice de son pays. Rien de plus normal, bien qu'elle n'ait encore rien vu. Au même titre que la divulgation des camps de concentration nazis a choqué l'humanité, y compris nombre d'Allemands, voire même de soldats nazis, la divulgation de certaines pratiques dites de justice troublera les Françaises et les Français. Nul ne peut aujourd'hui nier cette évidence, à savoir qu'au sein de la justice, il existe des hommes et probablement des femmes censés respecter et faire respecter la loi, qui la bafouent, et ce pour des raisons politiques, raciales et autres. Ils font en cela souffrir bien des gens, et c'est pourtant au nom du peuple français, y compris des musulmans, que l'on juge et incarcère le citoyen. Alors que je suis convaincu que si le peuple français savait ce qu'il se passe, il ne cautionnerait jamais cette justice, constamment qualifiée de justice à deux vitesses. Combien d'entre eux, bien que condamnés, furent innocents ? Plus qu'on ne le croit. Combien d'entre eux n'ont pas bénéficié d'un procès équitable ? Plus qu'on ne croit. Combien d'entre eux ont été condamnés à des peines plus lourdes parce qu'elles étaient considérées comme islamistes, dont terroristes ? Plus qu'on ne le croit. Selon ce que j'ai pu comprendre, en conversant avec non pas des islamistes ou terroristes, mais avec des musulmans, il fallait compter au moins le double de la peine qui aurait été prononcée contre un individu ordinaire, lorsqu'il s'agissait d'un délit commis par un musulman. En général, les peines frôlent le maximum légal. Infliger le maximum légal risquerait probablement de choquer même les plus crédules parmi les naïfs. Je n'ose même pas évoquer la situation lorsqu'il s'agissait d'obtenir pour ces mêmes personnes des aménagements de peine, pourtant prévus par la loi pour tous. Tous, sauf eux. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. J'ai rencontré bien des types en prison et leur histoire bouleverserait un bourreau. Et je n'ai aucune raison de douter de l'authenticité de leur récit, dans la mesure où mon histoire est identique, sinon pire. On apprend à connaître la justice lorsque l'on a affaire à elle. Et j'ai eu affaire à elle. Combien d'avocats sont écœurés, sinon outrés, par ce qu'ils ont vu, entendu, vécu au sein des tribunaux ? D'ailleurs, les avocats eux-mêmes ont désespéré des tribunaux. Une fonction qui, à l'origine, était de défendre les innocents et de demander la clémence des coupables. Aujourd'hui, cette fonction ne sert plus qu'à gagner de l'argent rapidement, et au lieu de courir derrière la justice, on court derrière le juge. Connaître le juge est plus efficace que connaître le droit. D'ailleurs, à quoi bon connaître le droit quand celui-ci n'est que très peu appliqué ? Il n'existerait pas d'avocat peu scrupuleux du respect de la loi s'il n'y avait pas eu d'abord des juges peu soucieux de cette même loi. Dans ce système, tout n'est que parodie, tout jusqu'au portrait du chef de l'État. La police qui court après les 40 voleurs, alors qu'Ali Baba les fixe à longueur de journée perchés sur le mur. C'est pour le moins comique ou tragique. On rit de tout, sauf de l'argent. C'est probablement pour cela que ces socialistes ont décidé de renforcer la présomption d'innocence et ont instauré le JLD, le juge des libertés et de la détention. Ce, afin de faire diminuer les abus, et ils sont mieux placés que personne pour connaître l'importance et la teneur de ces abus. Le juge, qui en théorie est indépendant, il est certes, mais sur le papier uniquement. Soudainement, Les erreurs judiciaires paraissent être de petites injustices. Quand on prend connaissance des abus commis par certains policiers, juges d'instruction, procureurs. Bien que certaines erreurs judiciaires vous glacent le dos, comme celle de ce pauvre Patrick Dils, lequel a passé 15 années de sa vie en prison, où il fut violé après avoir été condamné pour le meurtre d'un enfant. Il fut finalement innocenté après avoir bénéficié de la révision de son procès. On appelle cela une erreur judiciaire. Je dirais plutôt une horreur judiciaire. Tout le monde sait que des pressions policières ont contraint cet enfant à avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Dans le cas de celui de Dils, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais qui cela dérange-t-il? L'homme est un individualiste. En prison, j'avais entendu le Premier ministre, M. Raffarin, lors, me semble-t-il, d'un discours sur la Corse, aborder l'affaire Allègre. En ces termes approximatifs, je partage la peine de M. Baudis, maire de Toulouse, accusé d'avoir participé à des soirées sadomasochistes. Être accusé à tort, que fait-on de la présomption d'innocence si chère à la France? Disait-il. À travers ses propos, le Premier ministre venait d'innocenter M. Baudis avant même que ce dernier ait obtenu un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Il l'avait innocenté alors que la présomption d'innocence n'est qu'une présomption. Par conséquent, elle ne permet en aucun cas d'affirmer que l'on est innocent. Comment pouvait-il alors partager cette preuve qui accable à tort M. Baudis? M. Raffarin venait d'innocenter M. Baudis avant même que ce dernier ne mette les pieds dans le bureau du juge d'instruction. Alors que nous serions en droit de nous interroger sur l'innocence de M. Baudis lorsque l'on sait que son nom est évoqué dans une autre affaire de mœurs. Dans l'affaire dite de Niro, vous l'avez compris, le nom de l'acteur Robert de Niro. Peut-on penser raisonnablement que son nom ait surgi comme ça de nulle part? Dans non pas une, mais deux affaires liées tous deux aux mœurs? En ce qui me concerne, j'en doute fort. Bien évidemment, s'il s'agissait de Mohamed ou de Nordine, il en aurait été tout autrement. En effet, souvenez-vous, M. Sarkozy avait dit en évoquant l'affaire du bagagiste de Roissy. Le téléphone du bagagiste a parlé. Comment le téléphone du bagagiste aurait-il pu donner des informations puisque le présumé terroriste était innocent? Un innocent comme on en fait peu de nos jours. Ainsi, et contrairement à M. Raffarin, qui s'était empressé d'innocenter M. Baudis, M. Sarkozy s'est quant à lui empressé de condamner M. Benseguir par des propos, on le sait, mensongers. En réalité, la loi, ou plutôt la justice, s'applique selon à qui on a affaire. Être noir, beurre, c'est déjà être suspect. Mais ça passe encore. Même être musulman, c'est en soi un crime. Oui, un crime. À moins que, bien évidemment, on se borne à respecter deux ou trois versets coraniques, lesquels nous cantonnent à une pratique de pure forme. C'est-à-dire, sans revendication politique, sociale, économique et autres. En somme, un islam de France, un islam de lâche, un islam de collabo. Il semblerait que je sois une preuve vivante de ce que j'appellerais, pour rester décent, un dysfonctionnement de la justice et de la police. Et à travers mon expérience, on ne peut que constater qu'il existe au sein de la police et de la magistrature de véritables potentats, tout comme il existe des gens intègres et impartiaux. Malheureusement, j'ai eu plus affaire au premier qu'au second. Sont-ils plus nombreux? Sûrement. À travers mon livre, je tiens à dire que je ne m'étendrai pas sur ma souffrance personnelle, mes sentiments, ni ne tenterai de décrire mon parcours comme détenu. Bien d'autres hommes ont connu cela. Mon cas, sur le point, n'a rien d'extraordinaire, et le révéler serait, je pense, inutile et injuste. En effet, cela laisserait à penser que je ne mérite pas cela, mais que les autres peut-être. Et si tous les détenus écrivaient un livre pour raconter leur parcours, où irions-nous? Surtout après avoir croisé des hommes, des amis, des frères, condamnés à plusieurs années de prison, pour ne pas dire à perpétuité. Ma loyauté, ma dignité, m'interdisent alors de m'apitoyer sur mon sort. Certes, je souffre au plus profond de mon âme, mais garde cependant face à ce qui m'arrive, le visage austère et impassible. Peut-être parce que je sais que l'heure de la justice divine est proche. De toute façon, cela ne fait que me conforter dans ma position de musulman. Et puis, je ne doute pas que, comme il est coutume de dire, La roue tourne, et elle va tourner. Cela prendra le temps qu'il faut, mais elle tournera. Il me semble croire qu'une roue est faite pour tourner. Chaque injustice qui m'a touché ou qui me touchera me renforcera et me fortifiera ma foi. Il paraît que l'homme se forge dans la lutte. Je pense que cela est parfaitement vrai. Je considère d'ailleurs les preuves qui m'ont touché non pas comme des malheurs, mais bien au contraire comme des signes, et j'ai toujours su tirer le meilleur de ces moments. Il est vrai, pénible. Je ne crois qu'en une seule justice, celle du Tout-Puissant. Je ne crois qu'en une seule morale, celle de l'islam, qu'à un seul combat, celui mené pour Dieu. Le reste n'étant ni plus ni moins que de la servitude déguisée en citoyenneté. Le seul code en dehors de l'islam que je considère juste n'est ni le code pénal, ni le code civil, mais le code de la route. Quoique, avec la venue de M. Sarkozy, il semble que ce code devienne à son tour un outil ô combien répressif et encore injuste de la droite, ou plutôt d'une certaine droite, la droite tordue. Il est quand même regrettable que nombre de prétendus musulmans vivant ici en France ou ailleurs aient choisi, sans absolument aucune contrainte, de servir l'homme et non la divinité. Je ne peux que leur dire que celui ou celle qui accepte de vivre dans une société immorale est lui-même immoral. La justice des hommes semble être une justice commerciale. Elle devrait être, d'ailleurs, cotée à la bourse. Peut-être l'est-elle sous une quelconque forme. Plusieurs raisons m'ont poussé à écrire ce livre. D'abord, il m'a semblé absolument indispensable de répondre à la campagne de calomnie médiatique, en particulier celle des quotidiens, Le Parisien, France Soir, Le Figaro et le magazine Marianne, spécialisés dans non pas l'information, mais la désinformation et la calomnie de vrais torchons. Peut-on donc s'étonner d'apprendre que la voiture de la journaliste du Figaro, Christine Claire, a été mitraillée sur l'île de Beauté? Il faut croire que, contrairement à nous, certains ne restent pas passifs aux articles mensongers. Il semblerait que ces supports soient réellement anti-musulmans. De plus, il me paraît utile de dire la vérité à ceux qui ont eu écho de mes mésaventures, qu'ils me connaissent ou non. J'aimerais aussi prévenir tout acte tordu de la part de cette même justice et police. La prochaine fois, peut-être, se demandera-t-on, est-il vraiment coupable ? Et enfin, je ne suis pas du genre à me laisser conduire à l'abattoir sans me défendre. Comme on pourra le constater, je n'ai pas réagi au premier coup tordu de la police et ou de la justice pour dénoncer ce que j'endurais. J'ai attendu 6 années et plusieurs coups tordus pour dire stop. Ça suffit. Trop, c'est trop. Jusqu'à ce jour, j'avais la quasi-certitude que ceux et celles qui étaient chargés de rendre la justice étaient tous les mêmes, c'est-à-dire des racistes et des corrompus et surtout des antinoms pas terroristes, mais musulmans. Et qu'à chaque fois qu'un prévenu musulman tombait entre leurs mains, ils lui coupaient la tête. Pourtant, une expérience m'a permis de revoir mon jugement à propos de ce que j'appelais l'affaire Europe Assistance Intervention. Cette expérience me donna un peu d'espoir, trop peu certes, mais pour la première fois, j'ai aperçu un autre visage de cette justice, de la France. Je me suis alors imposé de mettre de la modération dans mes écrits, propos et actes. Et ce uniquement pour ces personnes qui, certes, sont dans le même troupeau, mais qui semblent ignorer ou résigner au fait que des loups aux dents bien longues et aiguisées ont infiltré les institutions judiciaires, et cela depuis belle lurette. J'espère très sincèrement qu'ils, les magistrats intègres, seront plus nombreux. Sur mon parcours, je n'en ai connu à ce jour qu'un seul. En ce qui me concerne, la police n'a pas besoin que je commette un délit pour débarquer chez moi. L'objet du délit n'existe pas. L'objet du délit, c'est moi. Ce sont mes opinions. On cherche à éliminer l'idée, ce par une répression de circonstances. On me persécute parce que je suis un musulman. Vous me direz, mais tu n'es pas le seul à être musulman. En effet, je ne suis pas le seul à être musulman, mais je suis l'un des rares à vouloir respecter, comme je l'ai dit précédemment, non pas un, deux ou trois versets, mais autant que possible, et cela ne plaît pas, que je le constate à mes dépens, à tout le monde. De plus, j'écris sur le sujet islamique, ce qui bien évidemment n'arrange pas les choses. Peut-être faudrait-il que j'écrive dans l'autre sens ou dans aucun sens. L'autre sens, c'est-à-dire contre l'islam ou contre les musulmans actifs, et dans aucun sens, c'est-à-dire comme 100% des livres qui sont vendus dans les librairies dites islamiques et dont le contenu, on ne le sait que trop bien, révèle plus de psychiatrie que de l'islam. Cela, je le sais, est un choix, le choix de la queue entre les pattes et la tête dans la patate. Allah, et avec les patients, les endurants, les persévérants, et donc avec les hommes. La victoire n'est plus qu'une question de temps, et le temps passe vite. Il appartient alors à toutes les personnes levées de réclamer justice. L'heure de la justice aura alors sonné. En effet, posez-vous la question de comprendre pourquoi les livres écrits par des prétendus musulmans, édités et vendus par de prétendus musulmans, ne font que rabâcher la même chose. C'est-à-dire, les bienfaits de ceci, comment faire cela, comment ne pas faire ceci, l'interdiction de cela et de ceci, et autres sujets apolitiques. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une pure coïncidence si aucun de ces livres n'aborde les réels problèmes, les sujets qui fâchent? Bien sûr que non, cela est parfaitement délibéré. D'ailleurs, tout comme est délibéré le silence des imams, recteurs, associations, organisations, fédérations et autres groupements de brebis dont le berger est assis confortablement à l'Élysée. On a vu des femmes, des enfants, des noirs, des blancs, des vieux, des vieilles, de toute origine et religion, manifester contre la guerre en Irak. Mais pas un seul imam ou autre prétendu représentant des musulmans en France. Pourquoi ? La réponse, vous la trouverez en vous posant la question quant au silence des mosquées. Et après cela, on se prétend musulman et craindre Dieu ? On veut tenir l'islam à l'écart de ce qu'on appelle la politique. Ainsi Dieu, selon eux, serait indifférent et insensible au sang des enfants et des femmes, au meurtre, au viol, à la torture, au génocide et au massacre ? Quel est donc ce Dieu ? Sûrement pas celui de l'islam. Ce sont eux les monstres qui, au nom de leur islam, fabriqué place Beauvau, se donnent bonne conscience en refusant de se prononcer, donc de s'impliquer sur les questions qui risqueraient de ruiner leur misérable carrière de dirigeant des musulmans de France. Ces monstres ont fait leur choix, tout comme j'ai bien fait le mien. Il nous appartient alors de l'assumer jusqu'au bout. Alors, on veut me faire taire. D'ailleurs, certains policiers me l'ont dit clairement. Je gêne. Tant que l'on a essayé de m'assassiner après avoir maquillé cette tentative d'assassinat en bavure policière, je gêne tellement que j'ai le droit, tous les ans ou tous les deux ans, de faire un séjour en prison. Je gêne tellement que l'on place de la drogue dans ma voiture. Comme je l'ai déjà dit, ce livre, j'ai mis du temps à me décider à l'écrire. Déjà, lorsque je fus incarcéré en 2001, à la prison de la santé, j'avais raconté mes mésaventures à mon compagnon de cellule, Foued, un Marocain très gentil. Il m'a répondu « Il faut que tu écrives ce livre ». Je lui avais promis et je tiens à tenir ma promesse. J'avais cependant mis provisoirement de côté ce projet, estimant que j'avais d'autres priorités. Il revint cependant vite d'actualité, lorsque de nouveau un coup tordu se produira contre ma personne et mes amis. Ce coup tordu date d'à peine un mois, c'est-à-dire le 12 juin 2003, date à laquelle je fus incarcéré à la maison d'arrêt d'Oni. Je suis cependant sorti le 2 juillet de cette même année, soit après 20 jours de prison. Pourquoi 20 jours ? Je m'aventure à dire que le juge n'était pas dupe et qu'il était intègre, et c'est d'ailleurs ce même juge que j'évoquais plus haut, le seul juge intègre que j'ai rencontré. La présence des 140 hommes des différentes brigades, dites de choc, c'est-à-dire BRIF, Brigade de Recherche et d'Intervention Financière, RG, Renseignements Généraux, SAT, section antiterroriste, BRB, brigade de la répression du banditisme, GIR, groupe d'intervention régionale. Ça en fait du monde pour quelques plaintes d'une poignée d'euros. Les sirènes hurlantes, la noria de véhicules de police banalisés, ce n'était que du vent. Un vent qui a soufflé 20 jours et 20 nuits. Une tempête qui a à peine soulevé une feuille morte. À défaut d'avoir du consistant, il dépêche l'armada. On a alors du mal à croire que l'on voit 20 hommes en entourer un seul, que ce dernier n'a rien fait, alors qu'il n'a effectivement rien fait. La suite le prouve. C'est ce que l'on appelle l'impact par l'image. Quant au son, mieux ne vaut pas l'avoir. C'est du Bourvil sans son béret. Je m'étendrai davantage sur le sujet au chapitre Europe Assistance Intervention. Les faits sont d'une gravité sans précédent. L'histoire est bouleversante et peut choquer nombre de personnes. On se croirait dans une autre dimension, dans un film, dans un cauchemar, et pourtant, c'est bel et bien la réalité. Ne dit-on pas qu'il arrive que la réalité dépasse la fiction ? Si un jour, la réalité a dépassé la fiction, alors ce n'est peut-être que dans ce livre. Persécution, manipulation, corruption, tentative d'assassinat. Intimidation, voilà ce que je subis presque au quotidien. À chaque fois qu'un coup tordu m'est porté, un autre se prépare, et c'est ainsi depuis 1997. Depuis le jour où l'on a décidé de me faire taire afin que j'arrête mes activités essentiellement d'écriture. Comme l'a dit l'imam Ali, le sable du guerrier est moins à craindre que la plume de l'écrivain. Pourvu que la plume soit intègre et désintéressée. Je suis parfaitement conscient que l'État, en particulier le ministre de l'Intérieur, fait un travail considérable afin d'endormir les musulmans qui vivent en France et que je fais exactement le contraire. Même si cela ne constitue pas un délit et encore moins un crime, on grince des dents. Je suis désolé. Mon but n'étant pas de déranger ou de renverser la marmite du ministre de l'Intérieur. Je ne fais que m'adresser à mes frères et sœurs. Que ces derniers veuillent m'entendre ou pas, cela en réalité m'importe peu. L'essentiel est que je puisse établir leur culpabilité et la mienne par la même occasion. Chacun devra répondre de ses actes ou de ses absences d'actes. Puisse Dieu Tout-Puissant entendre mes paroles et me faire comparaître auprès de lui le jour où seule la vérité triomphera. Ma conversion à l'islam. Cela se passa durant le mois de Ramadan. Je pris dans la bibliothèque familiale le Coran et ce, uniquement par curiosité. Lorsque je l'ouvris et commençai à le lire, je fus complètement bouleversé. Ce sera le jour où ma vie basculera, et Dieu merci, sans aucun doute, du bon côté. Je me mis immédiatement à jeûner, puisque je l'ai dit, nous étions durant le mois de Ramadan, puis à accomplir la prière. De même que j'ai immédiatement débarrassé ma chambre de tout ce qui était prohibé par l'islam. Étant musulman, je ne pouvais évidemment continuer à voler ou faire des magouilles. J'ai donc décidé de travailler. J'étais devenu si sérieux que certains de mes amis disaient « Il a été ensorcelé ». Et bien que beaucoup a été fait de la part de certains de mes copains, ou plutôt ex-copains, afin que je retombe dans le vice et que je me remette à fumer du cannabis, c'était en vain. J'étais accroché à l'islam avec foi et sincérité, autant que je le suis aujourd'hui. Bien que je sache que ma foi n'a pas été mise à rude épreuve. J'espère en tout cas, si cela se produit, et je pense que cela se produira, je tiendrai le coup. Nul ne se connaît réellement et nul ne s'ignore réellement. Comme j'étais devenu musulman, et un musulman c'est honnête, je devais donc vivre légalement. J'ai donc décidé de faire les marchés à mon compte, bien que je n'avais pas un franc de capital. J'avais ouvert un compte bancaire, puis étais allé rencontrer des fournisseurs au sentier à Paris. Je parcourais les rues du sentier sans argent. De plus, j'étais arabe. Arabe, juif. Je n'avais rien dans les poches, seulement mon chéquier. Il fallait en plus que je négocie avec un fournisseur qui voudrait bien me faire confiance. Bien que ce mot, je le sais, ne soit plus de ce monde. J'entrai dans un magasin qui s'appelait Shams. Je rencontrai le patron qui se promenait, ou se faisait appeler Marciano. Je lui ai expliqué que je désirais effectuer un achat et demandai timidement s'il était possible qu'il m'encaisse le chèque que plus tard, et encore plus timidement qu'il m'accorde un paiement échelonné. Il m'a répondu « pas de problème ». Ainsi, j'ai pu commencer mon activité de vendeur en prêt-à-porter, une activité qui était vouée à l'échec. Les marchés, c'est rentable lorsqu'il s'agit de vendre des fruits et des légumes, ou de la fripe. Je commençais donc à avoir des difficultés financières, si bien que je fus contraint d'arrêter les marchés et de rendre enfin à Monsieur Marciano sa marchandise. Cependant, après restitution de celle-ci, j'étais encore débiteur auprès de lui d'environ 10 000 francs. Ce dernier me dit que sa future femme avait un magasin, non loin de là, de fabrique de vêtements qui s'appelait Paulina Diffusion, et que pour le rembourser, je pouvais travailler chez elle comme manutentionnaire. J'acceptai. J'allais donc rencontrer la future femme de Monsieur Marciano, et étrangement, elle m'embaucha non pas comme manutentionnaire, mais en qualité d'aide Cooper, ce qui n'avait rien à voir. Elle a peut-être vu en moi un homme qui valait un peu mieux que de ramasser des cartons. Je lui en suis reconnaissant à ce jour, même si je ne suis pas sans ignorer que c'était dans son pur intérêt. En effet, un manutentionnaire à cette époque gagnait aux alentours de 5 500 francs, alors que moi, j'étais rémunéré 6 000 francs. Soit 500 francs de plus, et cela pour effectuer un travail beaucoup plus dur et surtout un travail à responsabilité. En effet, j'étais responsable de la coupe du tissu destiné à fabriquer les vêtements, et si je me trompais, les vêtements étaient foutus. De plus, je me servais d'une paire de ciseaux électriques. Je pouvais donc à tout moment perdre la main, sinon un doigt. Ainsi, j'avais trouvé un boulot et je pouvais rembourser mensuellement Monsieur Marciano. Et c'est ce que je fis. Tous les mois, je lui versais environ 1000 francs. Ma vie se stabilisa dorénavant. Ce que j'ignorais, c'était que ce ne serait pas pour longtemps. Ma vie, elle, elle est d'ailleurs, encore, partagée entre le travail et la religion. Côté religion, je passais tout mon temps de disponibilité à lire, que ce soit les week-ends, sur les trajets du boulot, de retour du boulot, durant mon heure de pause, je me levais même en pleine nuit pour prier, et surtout, lire. Moi qui avais pourtant horreur de la lecture. En effet, je n'ai jamais, avant l'islam, lu un seul livre. Je me souviens, lorsque j'étais en classe de primaire, notre maître nous remettait un livre et comme récompense, pour celui ou celle qui le lirait, le droit d'avoir une bande dessinée. Mon astuce consistait à donner le livre en question à ma grande sœur, laquelle le lisait, puis me racontait sommairement l'histoire. À mon tour, je la racontais à mon maître, qui, satisfait, me remettait une bande dessinée. J'ignore pourquoi, mais en ce qui concerne les livres de religion, surtout le Coran et les dits prophétiques, j'éprouve un plaisir extraordinaire à les lire. Si bien que je considère aujourd'hui que mon seul plaisir pour cette terre est la lecture de ces ouvrages. Je me suis lassé de tout, sauf de la lecture. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre que nombre de personnes qui se prétendent musulmans ou musulmanes ne s'intéressent que très peu à ces livres. En effet, comment peut-on ne pas s'intéresser à la parole de Dieu et à celle de son prophète? J'aimerais raconter très rapidement une anecdote. Un jour, j'étais allé au marché de Nanterre afin d'acheter des livres. Alors que j'étais en pleine discussion avec le vendeur, un client se présenta au stand. C'était un homme d'origine maghrébine et d'environ d'une soixantaine d'années. Il prit un Coran et demanda au vendeur le prix. Ce dernier lui répondit « Si ma mémoire est bonne, 20 francs ». Le client lui répondit « 15 francs ». Le vendeur lui dit « Non ». Alors, le client quitta le stand sans acheter le Coran. Ainsi, le client a estimé que la parole de Dieu ne valait pas plus que 15 francs. Je crois que cette histoire se passe de tout commentaire. J'avais acheté tellement de livres que j'étais obligé de contracter des dettes auprès de certaines librairies. J'allais bien sûr, comme tout musulman, à la mosquée et en djellaba. Je pratiquais ce qu'on qualifie aujourd'hui un islam de France. Pratique qui se résume à mosquée, boulot, dodo. Les jours et les mois passèrent. Ainsi, ma foi était en harmonie avec la société, les frères de la mosquée et les institutions musulmanes de France. Il est bien évident qu'à la vitesse à laquelle je lisais, j'allais finir par découvrir des incohérences, des contradictions majeures entre ce qui est écrit dans le Coran, la tradition prophétique et ce que l'on appelle l'islam de France. Et la première chose qui attira mon attention était la question palestinienne. En effet, je découvris à travers la formation télévisée que des musulmans hommes, femmes et enfants se faisaient tuer, massacrés en Palestine. Par la même occasion, je découvris le conflit politique lié à cette question. Bien évidemment, étant musulman, je ne pouvais rester indifférent à ce sang versé puisque selon le Coran et la tradition, les musulmans sont frères. Selon le Coran et la tradition, car en réalité, c'était chacun pour sa pomme et Dieu pour tous. Il était hors de question que j'adhère à cette philosophie quand bien même je devais souffrir. Je ne pouvais adhérer à une pratique que je savais fausse. À quoi bon ? Autant ne rien pratiquer. Je n'allais tout de même pas me fabriquer une religion, comme bien d'autres l'ont fait, à commencer par ceux et celles qui adhèrent à l'islam de France, l'islam des trois versets, l'islam des lumières certes, mais des lumières uniquement. Il est vrai que le nombre d'ampoules dans les mosquées est particulièrement impressionnante. Un islam qui se veut sorti des caves, mais qui l'a mis dans les caves ? Il me semble qu'à l'époque du prophète et jusqu'à son expansion à travers le monde, il ne fut pas un islam des caves, bien au contraire, il fut un islam de palais, de richesse et de gloire. Les responsables de cet islam des caves, ce sont ceux qui l'ont exporté non pour des motivations liées à la foi, mais pour des raisons commerciales, c'est-à-dire du pain. Alors qu'ils arrêtent de nous embobiner avec leurs sermons qui consistent à nous faire croire qu'ils souhaitent redonner une image, une belle image à l'islam, alors que ce sont eux les premiers qui l'ont noirci en l'exploitant, puis en lui cassant la colonne vertébrale, pour qu'il demeure incliné et impuissant. Démunis d'autorité, d'armée, de police, d'institutions, d'économie, la liste est longue, bien trop longue. Mais il faut croire que cela ne dérange personne, ou alors pas grand monde, puisque nul ne réagit et tous se complaisent dans cet islam des trois versets. Et bon Dieu de bonsoir, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi l'imam, lors du prêche de la prière du vendredi, me soufflait mot sur la question palestinienne. Plus grave encore, il abordait des sujets tels que les bienfaits de la pluie, et pourquoi l'âne braie trois ou non quatre fois. Mais ne disait mot sur ce sang et cela en contradiction flagrante avec la loi et la morale de l'islam. Il faut croire que la morale est dans le plat de couscous. De plus, le chantage de la carte de séjour est d'une efficacité redoutable. Cela me blessa profondément et m'interpella vivement. Comment pouvait-on aborder des sujets tels que les bienfaits de la sieste alors que nos frères et sœurs souffraient et mouraient? Selon Anas, le prophète, a dit Aucun de vous n'aura vraiment la foi s'il ne désire pour son prochain ce qu'il désire pour lui-même. Les croyants sont frères. Les musulmans est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice et ne le trahit pas. Celui qui aide son frère à satisfaire ses besoins, Dieu l'aide à satisfaire les siens. Celui qui dissipe une situation affligeante à un musulman, Dieu lui en dissipe une le jour de la résurrection. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Dieu recouvre les siens le jour de la résurrection. Selon Abu Huraira, le prophète a dit « Le musulman est le frère du musulman. Il ne le trahit pas, ne lui ment pas et ne se refuse pas à le secourir. » De plus, à travers la lecture, j'ai appris que le prêche de la prière du vendredi était destiné à évoquer les problèmes de l'heure. Bien évidemment, les problèmes de l'heure n'étaient pas ceux de l'âme ou du prix élevé de la viande, du moins je crois. Il faut quand même reconnaître que ces imams sont doués d'une faculté extrêmement développée pour endormir leur auditoire, laquelle leur permet d'éviter les sujets les plus essentiels pour n'évoquer que des sujets pour le moins secondaires, du moins au regard de l'actualité, de la loi et de la morale de l'islam. En effet, lorsque je me suis converti à l'islam, j'ai constaté que l'imam devait faire de son mieux pour faire taire lors du prêche du vendredi le seul conflit existant, à savoir le conflit israélo-palestinien, exercice qu'il réunissait assez facilement. Puis vint le conflit en Bosnie. Les musulmans se faisaient massacrer. Là aussi, il réunit à terre ce conflit pour évoquer d'autres sujets plus actuels, tels que l'âne qui courait plus vite qu'un cheval. Puis vint le conflit en Algérie. Là encore, il réussit à esquiver façon Chirac Alphan en parlant de la jument bleue qui voulait devenir rose. Puis vint le conflit en Tchétchénie. Là encore, il réussit tant bien que mal, grâce à l'aide inattendue et fortuite de la conjoncture économique de la France. Les musulmans avaient eux aussi de gros soucis de portefeuille. Puis vint le conflit avec Oussama Ben Laden. Là, l'exercice n'est pas encore réussi. Les imams ont dû faire face aux demandes sans cesse croissantes et inexistantes de nombreux jeunes musulmans voulant comprendre le pourquoi du comment. Alors ils ont dû faire appel à l'aide du calife. Sarko. La stratégie consiste d'abord à nettoyer les poches du sympathisant. Vous savez, ceux qui écrivent et parlent en faveur de l'engagement. Puis de mettre en avant ceux et celles qui parlent contre l'engagement, contre un islam debout. L'islam du prophète, pas de Sarkozy. Et bien d'autres méthodes, pour le moins dérisoires, qui ne peuvent égarer que les égarés. On s'est alors empressé de mettre sur pied cette instance dont je ne veux même pas me rappeler le nom, tellement elle me donne envie de vomir. Puis vint le conflit irakien, lequel n'a rien arrangé. Il faut quand même reconnaître que là, il mérite une médaille. Aborder des sujets pour le moins abstraits, comme par exemple « Pourquoi l'âne a deux grandes oreilles alors que le monde s'écroule ?» Et cela en contradiction bien sûr totale avec la loi et la morale islamique. Et qui atteint par la justice, riposte. Il faut croire que ce verset, comme bien d'autres, ils ne l'ont pas lu. Il est quand même très fort de faire tous ces conflits, lesquels ont tous la particularité suivante. Les victimes sont de confession musulmane. Je serai Sarkozy, je les inviterai à la maison pour les remercier de cette prouesse en leur remettant une petite enveloppe. Vous savez, lorsque l'on s'autorise à violer la parole de Dieu de façon si directe, de taire la vérité, d'égarer les gens et de s'allier par la même occasion aux mécréants et permettre par son silence la poursuite des massacres d'hommes, de femmes et d'enfants musulmans, il faut vraiment être une pourriture de salaud. Certes, le monde mécréant tue, mais avec la complicité d'une partie du monde arabo-musulman. Et s'il n'y a pas cette complicité, en tout cas concernant les dirigeants musulmans, les forces coalisées réfléchiraient à deux fois avant d'opprimer nos frères et sœurs. Béni alors celui qui un jour les soumettra au supplice, des supplices dont la vengeance sera terrible. Comment peut-on expliquer que l'imam transgresse à ce point la loi divine et prophétique et que nul ne bronche parmi les fidèles ? Ce qui ne les empêchera nullement de montrer leur réprobation quand un frère portera 999 et non 1000 poils sur la barbe. Entraidez-vous dans l'accomplissement des hommes, œuvre de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Ce constat, comme je l'ai dit, a eu un effet décisif sur ma foi et donc sur ma pratique. Peut-être me suis-je dit que cette transgression à la parole divine ne concernait que cette mosquée que je fréquentais et que je devais me rendre dans l'autre mosquée. Et peut-être alors, le prêche y serait plus conforme. Et c'est ce que je fis. J'allais de mosquée en mosquée et malheureusement, cela se répétait. Il ne s'agissait alors plus d'un malentendu, mais d'un agissement purement réfléchi et plus grave encore, institutionnalisé. L'avenir me dira que j'avais raison. L'omerta était, elle est d'ailleurs encore, la règle. D'ailleurs, il est bien mentionné sur la porte de la plupart des lieux de culte qu'il est interdit de faire de la politique dans la mosquée. Sauf bien sûr, lorsqu'il s'agit de faire de la politique en faveur de la France. Comme par exemple, lorsqu'il fut question de condamner l'enlèvement des moines de Tibérine en Algérie. On pourra se souvenir que tous les imams avaient condamné l'enlèvement de ces moines par, a-t-on dit, les membres du GIA. Cette détective venait du ministre de l'Intérieur via le musée. Pardon, que dis-je, la mosquée de Paris. Lorsqu'il s'agit de faire appliquer l'ordre d'un ennemi de Dieu au sein de la mosquée, pas de souci. Mais quand il s'agit de faire appliquer l'ordre de Dieu, alors là, c'est tout un déluge de polémiques et de prétextes qui surgit. En fait, la politique au sein des mosquées est interdite seulement quand il s'agit d'évoquer les problèmes touchant les musulmans. Mais lorsqu'il s'agit de prêcher dans l'intérêt des non-musulmans, donc des mécréants, ennemis de Dieu, son prophète et de l'ensemble des musulmans, musulmanes, là, la politique est non seulement permise, mais bien plus obligatoire. Et si à l'heure d'aujourd'hui, les sangs des musulmans ne vaut plus que celui d'un chien, c'est bien à cause de cette politique qui consiste à penser d'abord à soi, puis à sa femme, puis à ses enfants, après le monde n'a qu'à s'écrouler. Il s'écroule d'ailleurs déjà, et nul ne s'en soucie. Il est bien évident qu'avec une telle politique, l'avenir des musulmans et de l'islam ne peut être que sans avenir. C'est pourquoi les frères et sœurs de foi, hommes et femmes de Dieu Tout-Puissant, se doivent de rejeter ce comportement individualiste qui contredit la loi et la morale de l'islam. L'intérêt de tous passe avant celui de chacun. Comment peut-on réussir en ce monde et au-delà en violant et bafouant les verbes de Dieu et de son messager? Depuis quand l'islam ne se préoccupe pas des affaires du monde? Dieu serait-il indifférent au sort des hommes et du monde pour ne se soucier que de la longueur de la barbe et de la viande halal? Quelle est cette nouvelle religion? Nous n'avons rien à gagner à nous diviser, et plus encore, à ne pas réagir. Et qui, atteint par la justice, riposte? Il ne faut pas être théologien pour comprendre que ces mosquées n'ont rien de mosquée, et que ces imams sont de toute évidence dans la houlette du pouvoir. Et le fait d'interdire la politique au sein de la mosquée constitue une innovation extrêmement grave et blâmable. La politique étant l'affaire de la société, et les affaires de la société ont toujours été traitées par les prophètes et par ses successeurs au sein même de la mosquée. Mais le fait que l'on souhaite dépolitiser l'islam, cela ne constitue donc pas un étonnement, bien au contraire. De plus, la loi française interdit la politique dans les lieux de culte. En effet, un article de code pénal stipule, je cite, « Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte ». De ce fait, et bien évidemment, je n'avais plus le choix. Il était hors de question que je mange de ce pain. Il y avait transgression organisée et fomentée par le pouvoir, c'est-à-dire l'État français. Je ne pouvais en aucun cas le cautionner en faisant comme si de rien n'était. Je n'ai jamais joué avec la religion. Je n'ai jamais trahi aucun texte. Et à chaque fois, j'ai fait de mon mieux pour suivre à la lettre les prescriptions divines et prophétiques. Sinon, vous vous en doutez bien, j'aurais comme tant d'autres fait le choix le plus facile et aurais continué comme bien d'autres ma vie pépère. Ma décision était prise, j'allais non seulement m'éloigner de ce bien drôle d'islam, mais bien plus le combattre de toutes mes forces. Même si je me bats avec l'énergie du désespoir, néanmoins, je marche la tête haute. Et la nuit venue, j'implore Dieu avec mon cœur serein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il est quand même révélateur qu'une information que j'aurais dû obtenir de la bouche de l'imam, à savoir le conflit opposant nos frères palestiniens à Israël, je l'ai obtenue de la bouche de Poivre d'Arvor, lors du journal télévisé de 20h. Je continuais à étudier tous les jours, de même que je me rendais à mon travail, mais très sincèrement, je n'avais plus le cœur à travailler. En effet, comment aurais-je eu le cœur à travailler quand le soir j'attendais qu'un enfant palestinien de 12 ans était tué et que le matin je devais aller travailler pour des juifs? Non pas que je sois antisémite, comme les flics ne cessent de le dire. Car comment pourrais-je être antisémite alors que le mot « sémite » vient du mot « Sam », lui-même, fils de Noé. Noé, que nous autres musulmans reconnaissons et honorons comme un grand prophète. Mais le fait de vivre cela me frustrait énormément. Je n'avais pas la force d'affronter ce genre de situation. J'avais toujours l'impression que l'on riait dans mon dos. D'ailleurs, j'ignorais toutes les opinions politiques de mes ex-employeurs. Peut-être étaient-ils sionistes, pour la paix, pour la guerre, cela n'arrangeait pas les choses. D'ailleurs, durant la première guerre du Golfe, j'ai dû remarquer que mes employeurs portaient des petits pins représentant côte à côte le drapeau des États-Unis et celui d'Israël. De plus, tous les commerçants juifs du sentier s'étaient mobilisés afin de collecter des fonds pour Israël. J'en conviens, cela est leur droit et leur liberté, mais je ne pouvais assister à tout cela dans l'indifférence de mon peuple et ne pouvais entendre toutes sortes de propos à l'égard des Arabes et de l'islam sans broncher. Ma conscience, mon cœur se refuse à cela. Alors un beau jour, je décidai de quitter mon boulot. Mes parents ont tout fait pour que je revienne jusqu'à appeler chez moi pour en parler avec mes parents. en vain. Et c'est à cette période que ma vie commença à changer. L'étude de ma religion m'a appris bien des choses, que j'ai d'ailleurs révélées partiellement dans mon livre intitulé « L'Islam Made in France ». Le livre qui, selon moi, sera à l'origine des soucis évoqués dans le présent livre. Mes recherches m'apprirent énormément. Elles m'apprirent que j'étais abusé, étant sorti de l'égarement et de la délinquance. Je retombais dans celui de cet islam purement et simplement fabriqué par des détenteurs du pouvoir et qui n'a d'islam que le nom. J'avoue que j'aurai toute ma vie une rancœur à leur rencontre, ce pour m'avoir induit en erreur. Je crois que ces gens ne mesurent pas la gravité de leur acte, qui consiste à induire en erreur des hommes et des femmes venus auprès d'eux pour être guidés vers le droit chemin, mais qui sont abusés par ces mêmes personnes. Je crois pouvoir dire que le fait d'égarer une personne est aussi grave que de la tuer, sinon pire. J'ai honte quand je repense à ce à quoi je devais ressembler dans ces accoutrements turbans, djebala, et pourquoi pas, pendant qu'on y est, épée et chameau. Non pas que cette tenue n'était pas conforme à l'islam, mais que la situation dans laquelle nous étions ne pouvait permettre en aucun cas de porter cet accoutrement. Au même titre que je vois mal un général vaincu et humilié se pavaner avec son uniforme dans les rues du pays qui lui a foutu une fessée. L'islam est avant tout un raisonnement, et ce n'est pas parce qu'il y a écrit « mosquée » que c'en est une. C'est exactement ce qui se passe avec la prière du vendredi, et qui est certes obligatoire, mais peut-on considérer que la prière du vendredi vidée de son sens, dont l'imam est la solde des ennemis de Dieu, et dont la mosquée est plus un instrument dans les mains des ennemis de Dieu, qu'une véritable maison de Dieu soit une prière du vendredi? Je me propose de développer le sujet dans un livre qui s'intitulera « Le silence des mosquées ». N'étant pas assez instruit, je préfère laisser le soin à chacun, en son âme et conscience, d'y répondre. Il est vrai qu'aujourd'hui, pour être considéré comme musulman, il suffit d'accrocher un cadre religieux sur un mur de son domicile et, si possible, un chapelet sur le rétroviseur intérieur de sa voiture. Cette expérience fut pour moi la plus douloureuse de ma vie, en tout cas à ce jour. Ainsi, la science religieuse m'a appris bien des vérités sur cet islam de France qui n'est en réalité qu'une supercherie. Je ne vais pas détailler dans ce présent livre pourquoi l'islam de France est une vilaine supercherie, ce n'est pas le sujet. Mais je peux dire bien plus, affirmer que l'islam de France est une hérésie que j'ai, comme je l'ai dit, dénoncée dans l'un de mes livres. Où est la morale si chère à l'islam lorsque l'on demeure différent aux souffrances de nos frères et sœurs? Comment justifier cela devant Dieu? Bien manger, rire, aller en vacances alors que nos frères meurent et souffrent? Une bien drôle de morale, une bien drôle de piété. Où est la morale si chère à l'islam lorsque l'on ne se soucie pas des lois divines, mais que l'on ne cesse pourtant pas de chanter et vanter à longueur de journée ici et là? Du peuple guerrier en conquérant, nous sommes devenus un peuple de chanteurs et parfois même de danseurs. En dépit des persécutions visant ma personne, je ne peux trahir ma foi. Je crois que la meilleure façon de prouver que l'on croit à ses idées est de mourir pour celle-ci. Si je dois payer, je paierai. D'ailleurs, je paie déjà. Mais je ne vais tout de même pas m'inventer un islam pour faire plaisir à Sarkozy ou à sa femme. Et si j'agissais de la sorte, je considérais alors que le sang versé depuis la bataille de Bard n'a pas de valeur à mes yeux. Et si le sang sacré n'a pas de valeur à mes yeux, il ne me reste plus alors qu'à manifester à la Gay Pride. Une seule chose peut me faire changer de position, que l'on me démontre que je me trompe, bien que cela n'ait jamais été fait. Je décidai donc de dire ce que les imams, pour des raisons évidentes de sécurité, d'argent et de tranquillité, et surtout, pour une carte de séjour, se sont refusés de dire. Je devais, moi, le petit musulman, faire leur travail. À eux le repos et les lauriers, à moi la douleur, la souffrance et la prison. Celui qui accroît son savoir, accroît sa douleur. Le début de mon militantisme. C'est en 1993 que je décidai de créer une association, la fameuse Muslim Association, qui deviendra, selon la police et surtout la presse, et en particulier les quotidiens, Le Parisien et France Soir, un nid de terroristes. Un nid vide que l'on a voulu tant bien que mal remplir. Un nid un peu comme celui du fameux terroriste et bagagiste Besguir Abderrazak, mal lui appris d'être arabe. Ce dernier fut, comme on le sait, arrêté parce qu'il était en possession d'armes et d'explosifs. Jusque-là, tout va bien. Il est donc tout à fait normal qu'il soit mis en garde à vue pour être interrogé. Rien à voir donc avec le fait d'être arabe. Mais en réalité, c'est bien parce qu'il était arabe qu'il fut accusé de terrorisme. Je m'explique. Arrêter un individu avec des armes et des explosifs comme le fut Besguir ne fait pas forcément de lui un terroriste. En effet, c'est peut-être un voyou braqueur, par exemple de camions blindés ou autre, et dont les armes et les explosifs servaient à tout autre chose qu'à préparer un acte terroriste. Si l'on avait arrêté M. Pierre avec ses armes, cela se serait passé de toute évidence autrement. Mais comme c'était un arabe, alors bien évidemment, un arabe avec des armes et des explosifs, ce ne peut être qu'un terroriste. Évidemment, cela va de soi. De plus, l'enquête policière lors de sa garde à vue n'a non seulement et à aucun moment démontré qu'il était impliqué de près ou de loin dans la préparation d'un acte terroriste. Bien au contraire, ses antécédents, ses relations et ses convictions religieuses démontraient clairement que l'on avait plus affaire à un musulman, je dirais occasionnel, qu'à un musulman convaincu, c'est-à-dire, et selon la terminologie en vigueur, un islamiste. L'incrimination et la mise en examen, à savoir association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ne tenaient par conséquent pas. En effet, puisqu'il n'existait ni d'association, il était seul, ni terroriste, puisque rien en ce sens ne fut découvert. Alors comment se fait-il qu'en dépit de l'absence totale de preuves et même d'indices tendant à prouver, sinon à laisser penser que ce bagagiste préparait un acte terroriste, il fut mis en examen par un juge d'instruction pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et écroué? Comme je le dis précédemment, les juges antiterroristes ont le don incroyable de vous fabriquer une maison sans briques. Pour ceux qui en doutent encore, la preuve est manifeste avec cette histoire. Ils ont réussi à lui trouver une association, donc beaucoup d'amis, et une entreprise terroriste, donc je me doute bien qu'il ne voulait pas les clés. Comment peut-on encore douter des méthodes de cette action, le 14e ? Même si elle est vraie que cette façon, pour le moindre étrange d'instruire, n'est valable que pour nous autres musulmans. De toute évidence, et quoi que l'on veut nous faire croire, c'est bien l'origine de la personne qui détermine si oui ou non elle est terroriste, au mieux présumée terroriste. Le cas Besguir en est la preuve vivante. D'ailleurs, il n'y a qu'à faire un peu de justice comparative. Un membre d'Unité Radicale, vous savez, le crépuscule anti-arabe, a été arrêté alors qu'il projetait de commettre un attentat suicide au sein de la mosquée de Paris. Il fut condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes, alors que nombre d'islamistes ont non seulement été incarcérés pour rien, mais en plus ont été condamnés à plusieurs années de prison uniquement parce qu'ils connaissaient telle ou telle personne. Je me demande bien alors de quelle peine il aurait écopé pour un acte identique à celui du membre d'Unité Radicale. Probablement d'une décennie. Cependant, l'on verra plus loin comment travaille la 14e section de Paris, dite la section antiterroriste. On verra comment cette section fait du saumon avec de la sardine, bien plus, comment elle fait de la sardine avec du chat. Comment cette section peut faire de n'importe qui, à condition bien sûr qu'il soit arabe, un présumé terroriste, tout comme elle l'a fait pour Monsieur Besguir. J'ai en effet du mal à concevoir qu'après avoir interpellé un Français avec une arme de poing et des explosifs, on l'accuse de terrorisme si bien sûr aucun indice ne le rattache à un parti politique. Cependant, dans le cas de Besguir, nul besoin de parti politique. Être arabe suffit à franchir toutes les portes qui mènent directement en prison. Le délit d'opinion, tout comme le délit de faciès, est une évidence. Au même titre que M. Besguir fut accusé à tort de terroriste, il existe bien d'autres cas similaires où les concernés n'ont pas bénéficié, je dirais, de la chance qu'a eu Besguir. Et sont ou ont été en prison des années durant. Croire que mon cas et celui de Besguir sont les seuls est une erreur. Il en existe bien plus qu'on ne le croit ou que l'on veut nous faire croire. La Muslim Association. Nous sommes en mai 1993, rue des Maronites, dans le 20e arrondissement de Paris. La Muslim Association, que je présidais et qui occupe un local d'environ 5 mètres carrés, dont extrêmement petit, a pour vocation de dire aux musulmans la vérité, ou pour rester modeste, ma vérité. Vérité, comme je l'ai déjà dit, que les représentants des musulmans de France ont décidé de taire. Ils ont refusé de dénoncer clairement les crimes et l'injustice dont les musulmans étaient et sont victimes à travers le monde. Ils ont refusé de dire que la loi divine avait été révélée pour être non pas chantée, mais respectée et donc appliquée. Ils ont refusé de dire bien d'autres vérités. Ils se sont et ont fourvoyé bon nombre de personnes novices et crédules, comme moi-même je le fus, préférant évoquer d'autres sujets moins sanglants et surtout apolitiques, comme par exemple la chamelle du prophète. La chamelle du prophète, c'est pas mal. Une belle, douce petite chamelle qui courait, ou plutôt qui s'assoupissait sous un arbre, caressée par un vent doux et chaud dans ce joli paysage. Il est clair qu'avec un tel sujet, on n'a pas avancé énormément en matière d'indépendance et de technologie. Et on ne peut craindre que l'antiterrorisme fasse une descente à son domicile. Même si l'on sait qu'il en faut très peu pour l'avoir débarqué. Ma principale activité était de distribuer des tracts aux portes des mosquées de Paris et sa banlieue. Le contenu de ces tracts évoquait la souffrance des musulmans dont le monde est l'inertie d'autres musulmans, dans le même monde, ou presque. Je payais le loyer du local avec mon RMI, 1950 francs, soit à quelques francs près la totalité de celui-ci. Si c'est pour la cause, cela ne me dérange pas, pourvu que ce soit agréé par Dieu. Ce fut pour moi la plus enrichissante et douloureuse expérience. J'ai tout vu, tout entendu, que ce soit aux portes de ce que l'on appelle mosquée ou dans mon local. Je ne savais pas qu'il existait autant de demeurés et d'hypocrites. Je n'avais pas d'adhérents, ou plutôt, les seuls adhérents étaient des indicateurs au service de la police. D'ailleurs, lors de mon interpellation en 1997, je fus questionné, et à travers certaines questions, j'ai pu comprendre que telle ou telle autre personne était une balance. Une balance, certes, vide, mais une balance quand même. Je n'avais aucune aide financière, si bien que parfois, je me retrouvais seul pour distribuer ces tracts. Un jour, j'ai eu la visite des renseignements généraux. Je les ai invités à boire un café, qu'ils ont d'ailleurs apprécié, et répondu à la curiosité de ces messieurs, dont l'un s'appelait, ou se faisait appeler, l'évêque. Je pensais que les RG se contentaient de faire leur boulot, c'était donc de bonne guerre. Mais si j'avais su que les renseignements généraux étaient à ce point des manipulateurs, jamais je ne leur aurais offert le café, même pas un verre d'eau. L'avenir m'apprendra que ce sont des menteurs qui vous montent des dossiers complètement bidons et ce afin de vous nuire. Comme d'ailleurs, l'un des leurs l'a dénoncé dans un livre intitulé « RG, la machine à scandale ». En dépit de mes ennuis, tout se passait, je dirais normalement, c'est-à-dire dans la pire des misères et du désespoir. J'ai vraiment vu toutes sortes de musulmans, leur seul point commun est qu'ils parlaient beaucoup mais n'agissaient pas. Je tiens à dissiper tout malentendu. Agir pour moi, cela veut dire travailler dans le sens que je me suis proposé, la dénonciation, et non combattre des délits ou des crimes. Je m'accroche aussi bien que possible à cette idée, à savoir informer les gens que l'islam n'est pas le coupable, mais plutôt la victime. Compte tenu du fait que je me référais au Coran, j'avais donc une très bonne image des musulmans, mais j'oubliais que le musulman décrit dans le Coran et celui de la réalité n'avait rien. Mais alors, rien en commun, exactement comme les chrétiens décrits dans la Bible et celui que l'on croise dans la rue. D'ailleurs, le prophète n'a-t-il pas dit « Vous suivez les communautés qui vous ont précédé pas à pas, au point que si l'une d'entre elles entrait dans un trou de lézard, vous la suivriez ». En fait, la morale de mon expérience était que Dieu est parfaitement étranger au malheur des musulmans. Ils étaient donc pas des victimes, mais bel et bien des coupables. Certes, à différents degrés, mais coupables. En effet, Dieu n'est en rien responsable avec le fait que les musulmans qui furent les précurseurs de nombreuses vérités et dont la puissance militaire fit trembler tous les empires, sont réduits aujourd'hui à ramasser les poubelles de leurs ennemis infidèles. Qualifiés de « meilleure communauté » par le Coran, il ne reste que cette meilleure communauté qu'une langue et du vent. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Dépourvu de toute puissance militaire, économique et plus grave de pays. Car un musulman détermine son pays, sa terre, non pas par un drapeau qui est en soi une innovation blâmable, mais par l'État. Un musulman ne peut vivre dans un pays dont la loi contredit celle révélée par Dieu. Sinon, cela fait de lui un apostat. Sans entrer dans la question de la contrainte qui atténue la responsabilité, pourvu que cette contrainte soit non seulement réelle, mais aussi qu'elle soit combattue afin de pouvoir se libérer des chaînes de la servitude. Le temps passe, sans nouvel horizon, ni changement. Puis, je quittais le local rue Maronite. 5 mètres carrés, ça devenait un peu petit. C'était durant l'année 1994. J'avais trouvé un studio rue d'Aubervilliers dans le 19e arrondissement de Paris. Rue d'Aubervilliers. La rue des drogués. Il arrivait que l'on se demande si l'on ne devait pas porter un masque, tant ça puait. Surtout devant les magasins des Africains noirs, à croire que plus ça pue, meilleur c'est. Étrangement, l'inspection du travail ne va pas là-bas. Mais le studio que j'occupais était quand même mieux que le local de la rue Maronite. C'était en fait une plus grande poubelle. Il était plus grand, 15 mètres carrés environ. Mais mon Dieu, qu'il était insalubre! Mon voisin était un Chinois. Nos murs tremblaient parfois. Et pour cause, ce dernier était un entrepreneur qui avait des machines industrielles chez lui. Et le temps passe, avec toujours les mêmes soucis et les mêmes phénomènes. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir. Un miracle. D'ailleurs, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Pas même pour toutes les richesses du monde. Nous sommes en 1997. Entre-temps, j'ai trouvé un local rue Dumont-d'Urville, à la Garenne-Colombes, dans le 92. 1997, l'année qui allait faire de moi, de nous, des terroristes. Mars 1997. Et c'est justement cette année, ce mois, où tout allait se gâter et que j'allais être arrêté non pas pour terrorisme, mais comme terroriste. Il est en effet plus facile de fabriquer un terroriste qu'un acte de terrorisme. Ainsi, on nous arrête comme terroriste sans pour autant qu'il y ait eu acte de terrorisme. C'est drôle, mais c'est comme ça. Nous occupions un grand local situé, comme je l'ai dit, au 6 de la rue Dumont-d'Urville à la Garenne-Colombes. Un palace comparé aux locaux précédents. Le loyer était de 4000 francs par mois. Et 4000 francs, ce n'était pas toujours facile à trouver. Nous étions environ une douzaine d'amis ou de frères, selon comment on l'entend, à occuper le local. Le problème était qu'un seul chassé, 10 qui mangeaient et un qui dormait. Mon Dieu, comme il dormait! Même le sommeil ne dormait pas autant. Il passait ses journées au lit. Si le sommeil était une religion, il en aurait été le prophète. Quel drôle d'oiseau, ce fameux Mokhtar B, dit Calimero. Tout le temps à se plaindre. Une vraie sédition ambulante. Il fut à l'origine d'un acte qui est considéré par l'islam comme un crime, celui de diviser un groupe de musulmans unis pour la cause. Quelques-uns d'entre eux l'ont suivi, certes, bien évidemment, pas pour longtemps. En réalité, ils se sont servis de lui pour quitter le navire, qui semblait non seulement prendre l'eau, mais qui en plus était la cible des tirs ennemis. Il leur fallait un prétexte pour partir la tête haute. Ils l'ont trouvé à travers Calimero, le fainéant. Lequel, semble-t-il, voulait établir un état islamique en dormant 20 heures par jour. Peut-être croyait-il qu'avec sa richesse, il pouvait payer des hommes ex-professo tout en restant dans son lit à contrôler la bonne marche de son ambition. C'est vrai qu'avec une fortune estimée à un RMI par mois, oui, j'ai bien dit un RMI par mois, il pouvait se le permettre. Un RMI, ça fait rêver. Il ne reste donc plus sur la dizaine de personnes que la moitié. Les autres, comme je l'ai dit, ont quitté le navire, prétextant des raisons de piété. Depuis, il semblerait qu'elles aient uriné sur cette prétendue piété. En tout cas, les faits le démontrent formellement. Quelle drôle de coïncidence! C'est toujours après une descente de police qu'on se rend compte que la voie suivie n'était pas la bonne. Depuis, la voie suivie par ces moralistes hyper pieux est la voie qui mène directement au dodo. Parsemée bien évidemment de pénibles épreuves comme faire le marché, pousser la poussette, remplir le frigo, commenter l'actualité et surtout, surtout, l'épreuve des épreuves, porter la barbe. Attention, là ça rigole plus. Il faut être balèze, presque aussi balèze que vendre de la viande halal. On est alors plus à l'abri d'une attaque terrible et combien éprouvante d'un contrôle d'identité. Cette mission est uniquement réservée aux élus des élus, l'élite. Les meilleurs des meilleurs, les portes-étendards. En effet, porter une barbe et manger de la viande halal, ce n'est pas donné à tout le monde. Sans aucun doute, cela est réservé à ceux qui n'ont plus rien à perdre. Alors tous ces pieux et ô combien valeureux combattants, aussitôt sortis de prison et après avoir accompli leur trahison, au nom, bien sûr, de l'islam, luttent sur un front beaucoup plus terrible, celui de l'immobilisme. La seule condition requise pour être affecté à ce bataillon de choc est l'amnésie, de surcroît, soudaine et permanente. Je sais, ce n'est pas donné à tout le monde, mais bon, n'est pas Judas qui veut. Sinon, la plupart des personnes qui occupaient le local étaient des copains de cité et des copains de copains. On trouvait dans le local ce que l'on ne trouvait pas dans le hall d'une cité. Alors je me débrouillais, tant bien que mal, pour pouvoir payer le loyer et financer notre acte. Refusant à tout prix de commettre le moindre délit, même s'il était vrai que cette idée me traversa l'esprit et ce, à plusieurs reprises. Cependant, étant un homme de caractère, je me suis refusé à cela. Certes, avec la pression, il arrive que l'on ne sache plus ce que l'on fait. Ainsi, on peut être poussé à faire des choses contre ses intérêts, plus grave encore, contre ceux de l'islam. On aurait peut-être pu ne pas songer à tomber dans l'inégalité si tous s'y étaient mis. Mais... comme je l'ai dit, à part 3 ou 4 personnes du groupe, le reste ne servait à rien, ou presque. Lorsqu'il s'agissait de boire le café et bavarder, ils étaient au top. Mais quand il s'agissait de contribuer financièrement, il n'y avait plus personne. L'arrestation policière m'ouvrira les yeux sur bien des choses. D'ailleurs, à chaque arrestation, j'ai appris nombre de choses que je considère comme indispensables à cette formation qui est celle de l'opposant. Alors la seule solution qui me restait était de reprendre les marchés. Cependant, et comme je l'ai dit précédemment, seuls les fruits et légumes et la fripe avaient du succès. Fort de cette expérience, je décidai de vendre ce que l'on appelle des lots. La particularité de cette marchandise est que justement le prix est très bas et que la qualité n'est pas garantie. On peut trouver par exemple des défauts de fabrication. De plus, lorsque l'on achète ce produit, on prend le lot entier. On ne choisit pas ce qui nous intéresse. Je m'inscrivais, comme le veut la loi, à la chambre de commerce afin d'obtenir un registre, lequel me permit d'exercer mon activité légalement. Le nom de ma première société était Confection Metmati et Frères. Je repris donc les marchés et me procurai un camion de mon frère, de sang, Mohamed. avait bien voulu me vendre à crédit. C'était un Renault Trafic. Prix de la vente, 4000 francs. Le prix suffit à imaginer l'état. Mais encore une fois, je n'avais pas le choix. Je devais payer le loyer du local et les tracts. C'est ça ou l'inégalité. Je préfère encore les marchés. Une fois de plus, je n'avais pas de capital. Mais Dieu mit sur mon chemin un certain Cali, un gentil Marocain qui accepta de me vendre la marchandise à crédit, comme le fit Monsieur Marciano. À la seule différence que Monsieur Cali me faisait confiance. Par conséquent, il accepta de me donner la marchandise sans exiger de chèque. À l'heure d'aujourd'hui, je suis encore débiteur de ce monsieur. Et rebelote, ce fut un véritable fiasco. Non pas en raison du chiffre d'affaires qui n'était pas mauvais, mais parce que j'étais obligé de tout faire, acheter la marchandise, aller sur les marchés, enfin, tout. Les autres acceptaient de m'aider, mais mollement, sauf quelques-uns d'entre eux. Bizarrement, ce sont les mêmes qui ont fini par me trahir. Cela ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que je trouve une autre solution. En effet, je courais dans tous les sens, pendant que les autres se contentaient d'attendre, et quand ils m'aidaient, il fallait que je les rémunère, sans quoi je n'étais pas honnête. D'ailleurs, combien de fois leurs mamans sont venues se plaindre à ma porte. Bien drôle de situation pour des personnes considérées être des islamistes terroristes. Mais moi, je n'avais droit à aucun salaire, ni repos. Ils prétendaient vouloir aider la cause sans apporter de contribution financière. Mais en plus, ils désiraient être payés et avoir le statut de travailleur bénévole pour la cause. Faut pas déconner à ce tarif. La moitié de l'humanité adhérerait à ce mouvement. La seule solution que j'ai trouvée, et qui me semblait être mon dernier recours, était de créer une société de prestation de services à domicile sous l'enseigne SOS Service, puis Europe Assistance Intervention. Rien à voir, bien sûr, avec Europe Assistance. Nous avions eu droit d'ailleurs à un procès de cette même société. La situation allait enfin mieux, beaucoup mieux. Les choses se déroulèrent ainsi durant plusieurs mois, quand tout a basculé. Un jour de mars, de cette même année, alors que j'étais assis tranquillement derrière mon bureau, la grande vitrine vole en éclats. De même que la porte et toutes les autres issues, c'est-à-dire les fenêtres. Des dizaines de policiers, tant cagoulés qu'à visage découvert, investissent les lieux. En fait, les cagoulés ouvrent le chemin au cas où ça défouiraillerait. Ils sont chargés de neutraliser les individus et une fois le travail fait, ils se retirent. Nous fûmes jetés à terre et menottés. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, puisque je n'avais commis aucun délit. On ne m'avait tout de même pas envoyé l'armée parce que je n'avais pas fait de déclaration d'impôt. Inutile de vous dire que tout a été fracassé. Ils ont même fait un trou dans un mur, lequel était mitoyen avec les poubelles de l'extérieur. Comme si la porte, la vitrine et les deux fenêtres ne suffisaient pas. Nous nous retrouvons tous au quai des Orfèvres, à la criminelle et durant 4 jours. Le temps légal de la garde à vue, en cette matière, on devra répondre aux questions des policiers. Nous étions 12. Qu'est-ce qui justifie un tel déploiement de force et une telle violence? Très sincèrement, je ne sais pas. Mais je n'allais pas tarder à comprendre. À comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. La perquisition avait permis de saisir 3 fusils à pompe et un scanner, et rien de plus. Je vais expliquer pourquoi nous possédions ces armes, que je rappelle de 5e catégorie, c'est-à-dire dont la loi autorise la détention. Nous n'étions donc pas en infraction, bien qu'une loi postérieure à notre arrestation ait fait passer ces armes de la 5e à la 4e catégorie, c'est-à-dire que le citoyen ne peut détenir sans autorisation. Alors, quel genre de questions pouvait-il nous poser, puisque l'on n'avait commis aucun délit? Je me le demande encore et encore, et c'était la première fois que j'allais à la CRIM, et la première fois que j'étais non pas soupçonné de terrorisme, mais accusé de terrorisme. L'heure des questions arriva. La teneur de ces questions, d'une façon générale, était la suivante. Qui faisait le ménage au local? Qui faisait les courses? Depuis combien de temps connais-tu un tel ou un tel? C'est quoi l'islam? Depuis combien de temps fréquentes-tu un tel ou un tel? Pourquoi fréquentes-tu telle personne? Que penses-tu de ceci ou de cela? Etc. Etc. De bien drôles de questions posées à des terroristes. Cela ne m'étonnait pas vraiment, dans la mesure où je savais que l'on n'avait absolument rien fait. Ils auraient eu du mal à nous interroger sur un quelconque délit, cela va de soi. Pour pouvoir nager, il faut de l'eau. Et là, l'eau manquait cruellement. Quant à moi, l'on m'a interrogé sur la présence des fusils à pompe. Je n'avais rien à cacher et dis la vérité. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi vous m'interrogez sur la présence de ces fusils à pompe alors que la loi m'autorise à les détenir. Je n'arrive donc pas très bien à comprendre le sens de la question. Dois-je m'expliquer ce sur quoi je n'ai aucun compte à rendre? Il faut croire que oui. Je décidai donc de m'expliquer. Le contraire m'aurait coûté la tête, même si ma tête était déjà dans le panier. Nous sommes allés, un ami et moi, Karim, chez un armurier situé à Asnières dans le 92, ce afin d'acheter des bombes lacrymogènes. Ces bombes lacrymogènes devaient rester au bureau. La raison de cet achat est double. La première raison est que, compte tenu de notre activité de prestataire de services à domicile, j'employais un certain nombre de personnes, pour la plupart des jeunes issus de banlieues et pour la plupart d'origine arabe et black. Ces personnes étaient chargées de distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres, mais il semblerait que parfois, ils confondaient boîtes aux lettres et poubelles. De ce fait, il n'était pas question de les payer. Cela faisait donc des embrouilles, et c'est donc pourquoi je suis allé acheter des bombes lacrymogènes. De plus, et c'est la deuxième raison, il semblerait que l'on ait reçu des menaces d'extrémistes ou de pseudo-extrémistes. Une fois chez l'armurier, on vit un magnifique fusil à pompe, et vous connaissez les jeunes, quand on est en présence d'armes, souvent, on y croit. On décide donc de l'acheter. Nous présentons nos pièces d'identité, payons par chèque, en bonne et due forme, et partons. Il va de soi que si l'on avait été mal intentionné, nous n'aurions pas payé à l'aide d'un chèque libellé à notre nom et décliné notre véritable identité. De plus, pourquoi acheter un fusil à pompe chez un armurier alors que les cités des banlieues regorgent d'armes de poing et d'armes de guerre, lesquelles sont beaucoup plus efficaces qu'un fusil à pompe? Lorsque nous sommes revenus au bureau, les potes se passaient le fusil, ils passaient de main en main. Certains voulaient le même. Résultat, on s'est retrouvé avec 3 fusils à pompe. Naïf que j'étais. Je me référais à la loi. Nous avions le droit de détenir ces armes de 5e catégorie, il n'y avait donc aucune raison que je me fasse du souci. L'avenir m'apprendra qu'il y a la loi et qu'il y a des hommes de loi. Le résultat de cette union, on le connaît. Quant à la présence du scanner, étant donné qu'un pote à moi n'avait pas donné de nouvelles et qu'un mec de ma cité m'a dit qu'il avait été vu chez les flics, j'ai alors emprunté un scanner à un petit jeune de mon quartier. Ceci, bien sûr, pour pouvoir écouter les conversations des flics. Là encore, je ne voyais rien de répréhensible, en tout cas sûrement pas un acte de terrorisme. De plus, je tiens à rappeler que le scanner, à cette époque, était en vente libre. On avait le droit de l'acheter, mais pas de le détenir. Illogique, certes, mais véridique. J'ai appris par la suite comment et pourquoi la police était venue. Parce que, bien évidemment, elle n'est pas venue par hasard. Je vais vous narrer à présent l'histoire à son début. 2 jours avant mon arrestation, et comme je l'ai dit précédemment, un ami est interpellé en compagnie d'un autre de ses amis dans une voiture. Le motif de cette interpellation était le défaut de port de la ceinture de sécurité. La police découvre alors sur la plage arrière du véhicule des tracts, nos tracts. Elles avisent un procureur de Nanterre qui décide de passer à l'action. À l'action, d'accord. Mais pour quel délit? Je n'en sais rien, puisque ces tracts étaient distribués depuis 1993 aux portes des Bosquets et nous étions en 1997, soit 4 années plus tard. Que s'est-il alors passé pour que ces tracts fassent soudainement l'objet, non pas de poursuites, il n'y en aura aucune, puisque nous ne fûmes jamais poursuivis et encore moins condamnés pour ces écrits, mais d'un intérêt judiciaire. À l'heure d'aujourd'hui, je l'ignore. Le plus étrange est qu'après notre arrestation, nous n'avons été ni entendus sur ces récits, ni inquiétés alors qu'ils furent l'objet du délit et donc de la descente. Difficile en effet de répondre à cette interrogation. On nous arrête au nom de ces tracts et une fois au commissariat, pas un mot sur ces mêmes tracts, sincèrement, je ne comprends pas grand-chose. La brigade criminelle, laquelle était sur notre dos depuis un certain temps, probablement en raison des rapports bidons que lui faisaient les renseignements généraux, dont tout le monde se plaint jusqu'à certains d'entre eux, craignait un coup d'épée dans l'eau puisque, mieux informée que personne, il savait que l'on n'avait commis aucune infraction, du moins se disait-elle, pas encore. Ses agents allèrent donc voir ce procureur qui, sans le vouloir, allait foutre en l'air leur travail. Et quel travail! Ils lui disent, grosso modo, « Ne faites rien, nous sommes sur leur dos. Attendons qu'ils commettent un délit. » Qui, selon eux, ne devrait pas tarder. Et là, bingo, on les aura. Et on les aura pour quelque chose. Le procureur ne l'a pas entendu de cette oreille, ce qui contraignit donc la crime à agir et ce fut la descente. Et le seul résultat de la descente, vous le connaissez. Aucun objet délictueux ne fut découvert. Aucun, sauf le scanner. Mais est-ce que la présence d'un scanner justifie tout ce remue-ménage? Est-ce qu'un scanner justifie d'être mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste? Est-ce qu'un scanner justifie la prison? Bien sûr que non. Surtout lorsqu'on sait qu'à cette époque, il était, comme je l'ai déjà dit, en vente libre. Et bien que son acquisition n'était pas interdite, sa détention était répréhensible. En principe, la police se contentait de le saisir sans autre forme de poursuite. Pénalement parlant, nous n'avions commis aucun délit politiquement parlant, il faut croire que oui. Conclusion de cette drôle d'affaire. À travers cette interpellation, où sont les terroristes? Je dirais même, où est le délit? Il n'y avait pas plus de terroristes qu'il n'y avait de délit. Les 3 fusils à pompe ont été achetés légalement, et la présence d'un scanner ne justifie pas la descente, et donc encore moins la détention. Enfin, je crois. Ce qui n'a nullement empêché le juge antiterroriste de nous mettre en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Je comprends pour l'association, mais pas de malfaiteurs. La Muslim Association, quant à l'entreprise terroriste, c'est du délire. De toute évidence, ce fut pour la police un échec. Certains d'entre eux, les plus intègres, savaient parfaitement que ni la descente, ni l'incrimination, ni la détention n'étaient justifiées, n'étaient légales. Mais bon, les ordres sont les ordres. Ils n'allaient tout de même pas foutre en l'air leur carrière pour nous. Ils savaient que l'on était des sympathisants de la cause. C'est notre droit. Mais de là, à parler de terroristes et de venir tout casser à la maison, nul ne pouvait le justifier. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Rien ne chez rien. Le motif de l'interpellation lui-même ne tenait pas. Et le motif, on le sait, c'était les tracts. Du moins, le motif officiel. À partir de ce prétexte, des dizaines de policiers débarquent chez nous, cassent tout. Et la cerise sur le gâteau, ou plutôt le gâteau sur la cerise, on est mis en examen pour terroriste. Faut pas déconner. Mais je compris plus tard que cela n'était pas une erreur, mais bien une volonté politique d'agir. Ainsi l'on verra plus loin pourquoi. Nous avions fait 96 heures de garde à vue et fûmes, je tiens à le dire, bien traités. On se comporte toujours chaleureusement lorsque l'on accompagne un condamné à la guillotine. Un inspecteur, qui lui savait que c'était bidon, me dit « Tout ce que l'on peut te reprocher, c'est le pneu dégonflé de ta voiture, et encore. » Et il était sincère. J'en ai eu les preuves, mais je ne peux, pour des raisons évidentes, dire en quoi elles consistent. Nous sommes arrivés au terme de la garde à vue. Je n'étais pas dupe. Compte tenu du ramdam qui avait été fait, on n'allait pas nous mettre en liberté. Cependant, j'avais encore un espoir puisque nous n'avions commis aucune infraction. Je connaissais la justice à travers les livres. J'allais apprendre à la connaître à travers les hommes. À l'identique de mon étonnement concernant le comportement des musulmans de France, je l'ai d'abord connu à travers le Coran et la tradition. Puis, j'ai appris à le connaître dans la vie. Cela n'a rien, mais alors, rien à voir. Je fus donc, comme la loi le prévoit, emmené au bureau du juge d'instruction pour être mis en examen et soit libéré, soit emprisonné. Il n'y avait pas de charge contre moi, contre nous. Alors pourquoi et surtout, comment la loi pouvait permettre notre incarcération? La loi. C'est la loi, non? Tu vas voir si la loi, c'est la loi. Tu vas assister à un tour de passe-passe unique et tu apprendras que lorsque la politique veut, elle peut. J'entre donc dans le bureau du juge, c'était à Bruguière. Et comme le veut la procédure, le procureur était présent. Il commence à réciter sa leçon, à raconter son baratin qu'un enfant de 6 ans n'aurait pas cru. Cela était bien évident pour justifier sa demande de mise en détention. Le juge faisait mine d'écouter, c'était ni plus ni moins qu'une médiocre mise en scène. Théoriquement, c'est à la suite du réquisitoire du procureur que le juge d'instruction décide si oui ou non il place le prévenu sous mandat de dépôt, c'est-à-dire en prison. En théorie, car en pratique, il en est tout autrement. Là, en tout cas, il ne s'agissait que d'une mise en scène. Il fallait être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Le proc termine donc sa récitation, puis Bruguière dicta à sa greffière les faits qui m'étaient reprochés et les raisons pour lesquelles ils avaient décidé de me mettre en détention. Attention, c'est là où tout se passe. Où la magie fait son effet, un peu comme les magiciens de Pharaon lorsqu'ils jettent au sol des morceaux de ficelle que les assistants croyaient être, suite à la magie, transformés en serpents. Alors que bien évidemment, il n'en était strictement rien. Les magiciens avaient ensorcelé l'assistance, laquelle voyait des serpents rampants, là où il n'y avait que des ficelles immobiles. Dieu dit dans le Coran que les magiciens rapportèrent d'une grande magie. En absence donc de tout élément consistant lui permettant de me mettre en détention, parce que, bien évidemment, les faits pour lesquels j'étais dans son bureau, non seulement ne suffisaient pas à me poursuivre en tant que terroriste, mais plus grave encore, ils ne permettaient pas de me poursuivre tout court. Ni pour terrorisme, ni pour tout autre délit. Il ne permettait même pas de me mettre en garde à vue. Alors pourquoi et comment le juge pouvait justifier cette mise en détention? Eh bien, je vais vous le dire. La police a découvert dans votre local du matériel informatique hyper sophistiqué. Premier mensonge. C'était du vieux matériel de marque Macintosh, tout pourri, qui ne valait même pas un sou. Et quand bien même, est-ce que le fait d'avoir du matériel informatique constitue un délit? Je crois pouvoir dire que non. Puis il dit « La police a découvert des armes. » Il venait de dire « des armes ». Et non trois fusils à pompe, armes de cinquième catégorie, Et c'était parfaitement prémédité puisqu'ils avaient précisément fusil à pompe. Cela réduisait à néant sa justification de nous mettre en détention. Mais évoquer des armes sans dire quelles sont elles exactement, on pouvait alors penser à des bazookas, des mitraillettes ou même des missiles. Ainsi, par ces mots, il aggravait, je ne dirais pas considérablement, le bien fondé de ces accusations puisqu'elles n'étaient pas fondement, mais cela lui permettait de rédiger son ordonnance de façon à la rendre crédible, c'est-à-dire qu'elle puisse justifier la mise en détention. Quand on lit « armes », matériel hyper sophistiqué, cela peut paraître normal que l'on me mette en prison. Avec un peu d'imagination débordante, on peut arriver à penser que... Et l'imagination dans ce domaine, croyez-moi, c'est pas ce qui manque. Puis il me dit textuellement « La police a découvert des cartouches pour chasser le sanglier et sachant qu'il n'y a pas de sanglier à Paris, j'en conclus donc que ces cartouches serviraient à tuer des juifs. » Quelle clairvoyance! Alors que, bien sûr, il mentait et mitonnait. On dit qu'un juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge. Non seulement il instruisait uniquement à charge, mais en plus, il semblerait qu'il m'ait pris pour un semi-remorque au point de vouloir me charger ainsi. Il me tendit l'ordonnance et me demanda de signer. Je refuse en lui disant « Je ne reconnais pas les faits que vous avez relatés. Ce n'est pas la vérité. » Il a pris acte de mon refus et ordonna de m'emmener. On m'accompagna donc comme un vrai terroriste accompagné de deux gendarmes. Pour quel crime me traitait-on ainsi? Pourquoi m'envoyait-on en prison? Quel délit ai-je commis? Il me semble aucun. Sinon, qu'on me le dise. Mon avocat m'informa que je serais gardé en détention préventive 1 à 2 années. 1 à 2 années pour rien? Mais quelle est cette justice de fou? Qui vous entendra? Dieu, et Dieu seul. À travers mon expérience, je ne peux que croire que nombre de personnes ont été mises en détention pour rien, comme ce fut le cas dans l'affaire dite Chalabi, où un peu plus d'un tiers des personnes fut le jour de leur jugement relaxé, sans compter celles qui furent condamnées à des peines nettement inférieures à celles qu'elles avaient purgées en préventive. Cela ne constitue-t-il donc pas une preuve évidente d'injustice et de complot politique visant à jeter la terreur au sein de la communauté musulmane vivant en France? Je me retrouvais donc en prison, bien que je n'avais commis aucun crime ni délit. Difficile, certes, à le croire, dans un pays qui se prétend démocratique et civilisé. Difficile à croire aussi que l'on ait pu garder nombre de personnes en détention préventive durant des années pour qu'elles soient le plus simplement du monde relaxées ensuite. Difficile à croire que le bagagiste de Roissy fut mis en examen pour terroriste et écroué alors que rien ni personne n'apportera ne serait-ce que l'ombre d'un indice en ce sens, si ce n'est celui d'être arabe. La vérité, on ne l'entendra ni à la télévision, ni à la radio, on ne la lira pas non plus dans les journaux. La vérité est bien cloisonnée loin du peuple qui, d'ailleurs, ne s'en soucie que très peu. La prison. Je me trouve donc incarcéré à la maison d'arrêt de la santé à Paris. J'étais avec mon petit frère. Nous étions dans la même prison, mais pas dans le même bloc, mais dans des blocs différents. Quant aux autres personnes également incarcérées, puisque je l'ai dit, nous étions 12, elles étaient réparties dans différentes prisons et blocs, des fois que... Je n'avais rien fait, et j'étais en prison. La loi, je le sais, punit le délit et le crime. Elle punit aussi la tentative, mais là, elle punissait sévèrement le délit d'opinion. On était puni parce que ma plume faisait mal. Il fallait m'arrêter, et comme écrire n'est pas officiellement un délit, il fallait donc trouver un prétexte. Le proverbe ne dit-il pas que « pour pouvoir tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Pour pouvoir m'incarcérer, on a dit que j'étais un terroriste. » À l'extérieur, ma sœur, qui est avocate, se battait comme elle pouvait contre cette injustice. Elle savait que ses frères n'étaient pas des terroristes, pas plus que les amis de ses frères. Une femme qui se bat contre l'injustice et des hommes qui ronflent en paix. Où est l'animal et où est l'homme? Je serai donc, selon les avocats présents, lors de la mise en examen, enfermé pour 1 ou 2 ans, puis serai jugé. Si le tribunal décidait qu'il n'y avait pas de charge contre moi, il me relaxerait. Exactement comme pour des dizaines de personnes incarcérées par des juges antiterroristes durant plusieurs années et finalement relaxées par le tribunal. Il n'y avait certes aucune charge contre moi. Mais le mal avait été fait, et alors, qui cela dérangeait-il? Le citoyen français? Sûrement pas. Les musulmans de France? Encore moins. Beaucoup trop occupés au commerce de la viande et à la vente des livres. Des livres qui ne mènent nulle part. Écrire, c'est bien. Relater le bienfait de la charia, c'est très bien. Évoquer les bienfaits de l'islam, c'est super. Mais quand se déciderait-il à mettre en application ce savoir, cette science? Des centaines, sinon des dizaines de livres sont écrits et édités tous les ans sur le sujet islamique. Des tonnes de CD, de cassettes audio et vidéos sont propagées sur le territoire national. Mais la pratique se borne à trois versets. Je n'ose même pas évoquer le progrès technologique. Constatons-le, inexistant. De toute évidence, il s'agit ni plus ni moins que le commerce. Le prophète le savait déjà lorsqu'il dit « Quand vos savants apprendront en vue de gagner dinars et quand vous aurez fait du Coran un commerce ». Sur le terrain, l'islam n'existe pas. En prison, j'ai fait la connaissance de musulmans considérés comme terroristes, mais qui en réalité n'ont rien fait. Sinon d'avoir détenu un numéro de téléphone, d'avoir rendu visite à des personnes qui seront considérées elles aussi comme terroristes. La preuve, peut-on expliquer que lors du procès dit « Chalabi », un peu moins de la moitié des prévenus furent après plusieurs années de détention relaxés, bien qu'il soit extrêmement difficile d'obtenir une relaxe devant un tribunal. En effet, on trouve toujours quelque chose pour nous condamner, ne serait-ce qu'à une peine de prison assortie de sursis. C'est donc qu'il n'y avait rien. Mais alors rien à leur reprocher. Ils furent néanmoins mis entre quatre murs durant 1, 2 ou 3 ans. Cela pour avoir commis le crime odieux d'aimer l'islam. Il ne fait pas de doute que le juge antiterroriste savait que les dossiers étaient complètement vides. Mais ils les ont quand même envoyés et gardés en prison. Ces agissements ont d'ailleurs été dénoncés par la FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Mais bon, le mal est fait. Le plus grave est que nul ne peut aujourd'hui dire qu'il est à l'abri. Le juge d'instruction incarcère, la chambre d'accusation, à chaque fois qu'elle est saisie, confirme systématiquement. Les avocats demeurent impuissants et tout cela dans un silence d'enterrement. Il a fallu l'intervention extérieure pour dénoncer ces manœuvres, pour le moins despotiques. Quelle honte pour un pays qui se dit civilisé et démocratique. De plus, nous savons que les auteurs des attentats en France ont été soit arrêtés ou tués, comme le fut Khaled Kalkal. Leur nombre, on le sait aussi, était une dizaine ou un peu plus. Allez, disons même une trentaine. La vingtaine a apporté une aide logistique réelle aux 10 terroristes. J'ai dit réelle, car dans ce domaine, le concept de l'aide logistique est pour le moins très grave. Cela va du « bonjour » à « il était bon le couscous » en passant par « viens manger à la maison ». Comment se fait-il alors que les prisons françaises renferment ou renfermeraient pas moins d'une centaine d'autres détenus terroristes ? Il y a deux possibilités. Ou bien les terroristes étaient 50 à mettre la bombe, ou bien ils n'étaient pas plus terroristes que Mère Teresa. Ces gens ne peuvent donc être poursuivis pour terrorisme avant même qu'il y ait eu un acte ou une préparation caractérisée d'acte terroriste. Enfin, je crois. On me dira sûrement « Mais ce sont des gens incarcérés pour avoir apporté une aide logistique au maquis algérien ». Certes, je ne l'ignore pas, et sans aucun doute que cela doit être exact. Cependant, cette incrimination a davantage fait l'office de fourre-tout qu'autre chose. Quant à moi, la seule association que j'ai eue est la Muslim Association. Et la seule entreprise que j'ai eue est Europe Assistance Intervention. Cette incrimination a permis d'arrêter plus de sympathisants, donc d'innocents, que de véritables activistes. Et c'était d'ailleurs aussi le but, arrêter, semer la terreur. Les rafles qui datent au moins de l'époque du nazisme produisent un sentiment de crainte aveugle. Il semble que certains l'ont très bien compris. De plus, en dehors de ceux qui étaient tout simplement innocents, il existe bien sûr ceux qui ont apporté une aide logistique, laquelle se résumait à, par exemple, prêter une voiture, héberger un ami, etc., etc. En définitive, cela ressemble plus à un acte amical qu'à un véritable soutien logistique. Quant à ceux à l'encontre desquels on pouvait en effet reprocher un réel délit, comme celui du trafic de faux papiers, détention d'armes de quatrième catégorie, dont l'arsenal se résumait souvent à très peu de choses, ces derniers ont été traités comme de vrais terroristes et probablement ont été condamnés à de lourdes peines, bien plus lourdes que dans d'autres dossiers terroristes dits terroristes. Cela est une évidence. L'islamisme, surtout depuis le 11 septembre, est devenu l'ennemi qu'il faut abattre à tout prix et par n'importe quel moyen, encore faudrait-il savoir viser. Et j'ai comme l'impression que le chasseur tire sur tout ce qui bouge. À chaque bruit de feuillage, c'est une rafale qui retentit. Alors que tout le monde sait bien que ce n'est pas parce que le feuillage bouge qu'il y a un renard à l'intérieur. Ce qui se passe à Guantanamo est exactement ce qui s'est passé en France, sauf que les conditions de détention ne sont pas les mêmes, et pour cause, ils ne vont tout de même pas fabriquer de nouvelles prisons cages au vu et au su de tous. L'arbitraire est de toute façon, quoi que l'on en dise, évident. À Guantanamo, on enferme des hommes, pour la plupart innocents. En France, il en fut de même. À Guantanamo, ils sont enfermés dans de minuscules cellules. En France, elles sont un peu plus grandes. À Guantanamo, les détenus n'ont pas d'avocats. En France, les détenus ont des avocats, mais qui ne servent à rien. Ils ne sont là que pour légitimer l'ensemble de la procédure conformément au texte sur les droits de l'homme. À Guantanamo, la détention en l'absence de preuves est inique. En France, la preuve nous a été rapportée lors du procès dit Chalabi. La plupart furent relaxés, donc innocentés. Et ce n'est pas tout. Il existe bien d'autres victimes dont nul ne sera jamais rien. L'injustice engendre l'injustice. Je galère donc en prison sans savoir à quelle sauce ils allaient me croquer. L'expérience de la prison m'a permis, entre autres, de rencontrer des musulmans dont le besoin le plus vital, ces derniers, étaient contraints de demander de l'aide au secours catholique pour pouvoir améliorer leur quotidien. De l'aide au secours catholique, alors que la communauté musulmane est constituée de millions de personnes et de plusieurs centaines d'associations. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a de quoi pleurer. De toute évidence, comme le dit Allah et son messager, ce n'est pas le nombre qui compte, mais bien la qualité. C'est donc suite à cette prise de conscience que je décidais de créer une association afin d'apporter l'aide à ces hommes dont j'ignorais et dont j'ignore encore le motif exact de leur incarcération. Ce que je sais, c'est qu'ils ont besoin d'aide. L'ODPM, l'Organisation de Défense des Prisonniers Musulmans, verra le jour. Cette même association, dont les médias diront plus tard qu'elle sert à aider non pas des musulmans, mais des terroristes. Une fois de plus, comme pour l'affaire Besguir, les médias les avaient déjà jugés et condamnés sans même les connaître. C'est ce que l'on appelle de l'information française. Puis, me parvint un jour la nouvelle suivante. Le dossier va être mis à la poubelle. Non pas, bien sûr, sur décision du juge antiterroriste, mais en raison d'une nullité. En effet, la loi stipule « Est qualifié crime ou délit flagrant. Le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. » Article 53 du Code de procédure pénale. Cette nullité avait en effet toutes les chances d'aboutir à la seule condition, bien sûr, que je ne sois pas de nouveau victime d'un coup tordu. Le fait d'interpeller une personne pour non-port de la ceinture de sécurité n'est pas constitutif d'un crime ou d'un délit flagrant. Par conséquent, n'entre pas dans le cadre de l'article 53 du Code de procédure pénale. Ce qui veut dire que la procédure pouvait tomber à l'eau puisque la police était intervenue en s'appuyant sur cet article. Le 4 juillet 1997, la chambre d'accusation rend sa décision. Toutes les personnes interpellées doivent être libérées. La nullité avait marché. La loi avait été respectée. Dieu ne nous avait pas abandonnés. Et sans cette nullité, j'aurais vraiment galéré. Voilà pourquoi, depuis ce jour, je suis, ou plutôt, nous sommes considérés comme terroristes. Pour résumer, on nous avait interpellés à la suite de la découverte de notre acte, pourtant distribués depuis 4 années. Ils étaient soudainement devenus l'objet du délit. La police fait une descente chez nous, casse tout, les journaux nous qualifient de dangereux terroristes, nous faisons 4 jours de garde à vue, nous sommes présentés au juge qui nous traite comme des sous-hommes, nous accuse de terrorisme, puis veut nous envoyer en prison pour des années. Alors que nous étions tranquillement chez nous et n'avions commis ni délit ni tentative de délit et que lors de l'interpellation, la police n'a rien trouvé de répréhensible. Comment peut-on également expliquer cela? Ce qui a motivé cela, et non pas bien sûr la justice, mais la politique. On devait m'arrêter à cause de mes idées et de mes écrits. Il fallait alors bien trouver un prétexte, et ce fut celui du terrorisme. Les faits que je relate sont fidèles à la réalité. À aucun moment je n'ai menti, ni tenté de minimiser ou de transformer un passage de l'histoire. J'en conviens, il est difficile de croire qu'en France cela puisse arriver. J'en fus moi-même choqué, et le suis encore. Aujourd'hui, c'est moi que l'on montre du doigt comme un terroriste islamiste, alors que les véritables auteurs de cette injustice sont considérés, eux, comme des justiciers, des sauveurs de l'humanité. Une bien drôle de société qui ne pourra plus tenir bien longtemps. La répression, la persécution, le mal ne font et ne feront que raffermir tous ceux et toutes celles qui, déjà convaincus qu'il n'y a qu'une seule loi et une seule justice, celle de Dieu Tout-Puissant. À ce jour, j'ai encore du mal à concevoir que l'on puisse ainsi traiter des gens, les emprisonner alors même qu'ils n'ont commis aucun délit. Pour résumer encore une fois, la police intervient en s'appuyant sur l'article 53 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire dans le cadre d'un flagrant délit. Et l'objet qui leur permit d'agir en s'appuyant sur cet article fut, comme on le sait, les tracts. Alors que ces tracts étaient distribués depuis 4 années. Comment alors pouvait-ils permettre à la police d'agir en délit ou en crime flagrant? Évidemment, ça ne tient pas debout. Mais ça ne s'arrête pas là. La police découvre 3 fusils à pompe et un scanner, donc absolument rien de délictueux. Puisque, comme je ne cesse de le dire et de le répéter, les fusils à pompe étaient répertoriés dans la 5e catégorie, dont la détention est autorisée par la loi. Quant au scanner, il ne peut à lui seul justifier l'interpellation, la descente et la prison. Alors, pour quel délit nous a-t-on traité ainsi et mis en examen du chef d'accusation de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste et écroué ? La liste du crime se détaille ainsi. Tracts distribués depuis 1993 à Paris et sa banlieue, lesquels ne faisaient qu'évoquer la souffrance des musulmans dans le monde. Il semblerait que, soudainement, ils intéressent la justice. Bien qu'étrangement, ils ne firent l'objet d'aucune poursuite ni policière ni judiciaire. 3 fusils à pompe. Légalement détenus, puisque de 5e catégorie à l'époque. Un scanner qui, au pire des cas, engendre pour seule et unique poursuite la confiscation. Cependant, les seuls objets de cette liste ont suffi à nous mettre en détention pour terrorisme. Beaucoup critiquent les crimes nazis. Ils feraient alors mieux de se regarder. L'affiche ou le bip. Je quittais donc la prison de la santé un bon jour d'été et pensais bien évidemment pouvoir retrouver, comme disent les guignols de l'info, une activité normale. Je n'allais pas tarder à me rendre compte que je me trompais. Certaines personnes semblaient en avoir décidé autrement. Elles avaient déjà commis, à notre encontre, une injustice évidente et non contentes de cela, elles ont estimé, semble-t-il, que ce n'était pas suffisant. J'allais me rendre compte que plus jamais, nous, ne serions considérés comme des citoyens à part entière. Nous n'aurions, contrairement aux autres citoyens, plus le droit de jouir de notre liberté déjà bien limitée. Nous serons constamment suivis de façon très, très particulière. Comme tous les citoyens, il m'arrive de subir des contrôles d'identité. Jusque-là, rien de particulier. Ce qui est particulier est qu'à l'issue de chaque contrôle, on me menotte et m'emmène au commissariat le plus proche. Au début, bien évidemment, je me demandais pourquoi. Je m'interrogeais. Qu'ai-je fait ? Puis, j'ai appris que l'on m'avait mis sur le dos une fiche dite « fiche d'attention » et qui fonctionne comme suit. Comme je l'ai dit, à chaque fois que je subissais un contrôle d'identité, la police, comme le veut la procédure, appelle le terminal pour savoir si oui ou non je suis recherché. Cette procédure, vous vous en doutez, s'applique à tout individu contrôlé, homme ou femme. Par contre, ce qui ne s'applique pas à tout individu contrôlé est que, bien que la réponse du terminal soit négative, c'est-à-dire que l'on doit normalement me laisser partir parce que je ne suis pas recherché ou bien non, au contraire, on me met les menottes, on m'emmène au commissariat et me fait galérer. Alors ça dépend. Des fois, on me fait patienter une heure, sinon deux, et puis après on me dit « Vous pouvez partir, monsieur, à la prochaine ». J'ai appris ultérieurement pourquoi, lors de chaque contrôle d'identité, les policiers m'emmenaient au commissariat. Le système est ainsi conçu. Le policier interroge le centre des fichiers afin de savoir si oui ou non je suis recherché. Au bout du fil, un fonctionnaire de police pianote sur son ordinateur mes nom, prénom et date de naissance. Et là, stupéfaction. On pourra lire sur ma fiche que les renseignements généraux ont rédigé ceci. Individu dangereux, profondément antisémite, leader d'un mouvement de jeunes islamistes pro-djihad. De plus, il est demandé de me fouiller et si je suis accompagné, l'agent doit consigner l'identité de chaque personne. En outre, si je suis en voiture, il est demandé à l'agent de bien fouiller celle-ci et ensuite de m'emmener au commissariat afin de me présenter à un OPJ, officier de police judiciaire. Imaginez la tête du policier qui est près de moi. Inutile de vous dire qu'il a la main sur son flingue. Alors que, bien sûr, ces informations sont parfaitement fausses. J'ai alors compris que j'étais bipé un peu comme un camion dont le contenu renferme une marchandise d'une certaine valeur et que l'on veut suivre à la trace. Le système pour ce genre de surveillance est de biper le camion. Ainsi, on peut savoir à tout moment où il se trouve. Il est exactement de même pour moi, ou plutôt pour nous, car je ne suis pas le seul à subir cette folie. Cette fiche, bien évidemment, me rend la vie impossible. Cette fiche est d'ailleurs parfaitement illégale. Elle constitue une atteinte à la liberté de circuler. Ainsi, je vais vous résumer l'une de mes journées. Je sors de chez moi à 8 heures afin d'acheter du pain pour prendre mon petit déjeuner. Contrôle de police. Menottes, commissariat. Je reviens chez moi 2 heures après. Il est 10 heures. Trop tard pour prendre mon petit déjeuner. Tant pis. Je sors de chez moi pour aller au boulot. Contrôle, menottes, commissariat. Vous direz à mon patron que je n'arriverai qu'à 15 heures au lieu de midi. Il va sans dire que cette situation n'est pas vivable. De plus, comme je l'ai dit, cette fiche est interdite selon la Convention des droits de l'homme. Mais qui a parlé d'homme? Nous sommes considérés comme des sous-hommes, de la marchandise. Alors, si je suis par exemple avec ma mère à faire les courses, je me retrouve non pas au supermarché, mais au commissariat. Mes rendez-vous ne sont jamais sûrs. À l'aéroport, c'est idem. Tant pis, je prendrai le prochain avion si bien sûr ces messieurs le veulent bien. Alors, non satisfait de m'avoir incarcéré pour rien et fait subir toutes sortes de tortures psychologiques, on me bipe comme une vulgaire marchandise. Comment dois-je vivre cela? Comment dois-je me défendre contre une raison d'état qui semble aller à la déconfiture? Bien évidemment, avant d'avoir l'idée d'apposer ma photo sur un permis de conduire, qui n'était pas le mien, j'ai écrit à Monsieur Chirac, ainsi qu'à d'autres, mais aussi à la Cour européenne des droits de l'homme, en vain. Alors, en l'absence de réponse et dans l'impossibilité de pouvoir me déplacer, j'ai été, comme je l'ai dit, contraint d'apposer ma photo sur le permis de conduire d'un ami, lequel était bien sûr consentant. Alors là, bien évidemment, je suis hors la loi. Cependant, j'estime entrer dans la situation prévue par la loi qualifiée de « contrainte morale ». La jurisprudence dit en effet « la reconnaissance de l'état de nécessité est un des fondements du droit. Toutes les civilisations juridiques évoluent dégagées du légalisme initial, le consacrant soit dans la loi, soit dans la doctrine et la jurisprudence. Ce qui caractérise l'état ou l'effet de nécessité, c'est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale. » Je ne suis pas juriste, mais il me semble que mon cas est visé par cette jurisprudence. Mon acte n'était nullement mû par la volonté de commettre une infraction, mais uniquement de recouvrer le droit de pouvoir circuler sans être à craindre de passer ma journée au commissariat tout en étant fixé par les badauds, ce qui n'est agréable pour personne. Ce genre de procédé n'est pas dévoilé à la population et bien évidemment ne figure pas dans le code pénal. Comment pourrait-il y figurer quand on sait qu'il contredit le fondement même du droit universel, à savoir la liberté de marcher sur terre? Pour terminer, je me permets de vous faire prendre connaissance de deux numéros correspondants à deux chiffres différents, à savoir S97-000-90-RG et S97-000-95-RG. Ces numéros font partie de nos numéros de marchandises. Ils correspondent à l'identification de certains d'entre nous. L'ODPM, l'Organisation de Défense des Prisons Musulmanes. La presse, dans le but une fois de plus de me salir, a écrit que j'étais non pas une association d'aide aux prisonniers musulmans, mais d'aide aux terroristes islamistes. Ce qui est bien évidemment complètement faux. D'ailleurs, tout aussi faux que nombre d'articles parus dans ces mêmes presses, en particulier dans les quotidiens Le Parisien, France Soir, Le Figaro et bien d'autres. De plus, j'aimerais dire ou rappeler que je suis théoriquement en droit d'aider qui bon me semble. Et si demain je décidais d'aider un homme comme Carlos, je ne pense pas qu'une loi me l'interdise. Lorsque le gouvernement français apporte son soutien inconditionnel au terrorisme, l'État, comme en Algérie, au Maroc, en Tunisie, à l'Irak, de Saddam Hussein et bien d'autres, nul ne trouve rien à redire. Surtout lorsqu'on sait que ces chefs d'État ont fait massacrer des centaines, des milliers d'innocents, hommes, femmes et enfants, dans le seul intérêt de garder le pouvoir. En conclusion, je crois que la France n'a de leçons à donner à qui que ce soit en cette matière. De plus, et comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas à ces accusations portées à l'encontre d'un grand nombre de détenus emprisonnés pour terrorisme. Nous le savons, nombre de personnes incarcérées ont été relaxées, affaire Chabali, alors qu'elles furent présentées par la presse comme de véritables terroristes. De plus, il faut rappeler que nombre d'autres personnes incarcérées ne sont pas encore jugées, ou du moins, elles ne l'étaient pas lors de la diffusion de certains articles de presse. Comment donc pouvaient-elles être montrées du doigt par cette même presse comme terroristes? Comme je l'ai dit précédemment, nous autres, Arabes, n'avons pas le droit à la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est réservée exclusivement aux hommes politiques et aux pédophiles, issus, on le sait, le plus souvent de la bourgeoisie. Mais nous autres musulmans n'avons qu'un seul droit, celui de subir le racisme et l'injustice. Parce que notre crime est d'avoir cru en Allah et en son messager et d'avoir agi selon cette même croyance. Il n'est donc pas étonnant que la police française abattent de sang-froid nombre de nos frères dans les rues de la banlieue parisienne. On appelle cela une bavure. J'appelle cela un crime couvert par la raison d'État. Souvent, ces policiers sont relaxés ou condamnés à des peines dérisoires, alors qu'il suffirait tout simplement d'appliquer la loi pour qu'ils soient sévèrement punis. Mais dans le cas présent, la loi n'est pas appliquée. Pendant combien de temps encore abattront-ils nos frères comme des chiens? Combien d'autres perdront la vie au seul prétexte qu'ils sont arabes? Pendant combien de temps encore serons-nous des victimes et considérés comme une sous-espèce? De plus, j'aimerais dire qu'en tant que musulman, c'est une obligation d'apporter son soutien à ceux que l'on considère être mes frères, et cela même si l'on n'a pas toujours le même point de vue politique. Cependant, ma foi m'interdit de laisser un homme, à plus forte raison, un frère, dans le besoin le plus essentiel. Démuni du minimum vital, les menaces et les intimidations ne suffiront pas à ce que je laisse crever un frère. Je me dois, et c'est une obligation divine et prophétique, d'apporter mon aide. De plus, on pourra constater que les gens que j'ai aidés ne sont pas forcément mis en cause dans des dossiers dits terroristes. Cette accusation, à mon encontre, n'est ni plus ni moins qu'une calomnie supplémentaire, ce afin de me nuire, que l'on se rassure. Je ne m'attendais pas à autre chose. Les quotidiens Le Parisien, France Soir, Le Figaro et le magazine Marianne se sont spécialisés dans ce domaine du mensonge et de la calomnie. Ces individus, qui se trouvent parmi la police, la magistrature, la presse, excellents dans l'art de tourner les faits, les mots, dans le seul but d'accabler une personne, un parti, une religion que l'on n'apprécie pas. Il faut croire que la maîtrise, chez ces gens-là, est une qualité. Mon association d'aide aux détenus musulmans est légale, et tant qu'il me restera un souffle de vie, je ne laisserai pas un musulman souffrir, que cela plaise ou déplaise, et je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de non-musulmans. Ma loi, ma morale, me viennent non pas de l'Élysée, mais de l'islam. De plus, je ne crois pas avoir transgressé la loi française alors que l'on me fout la paix. Les criminels seront de toute façon tôt ou tard démasqués. Ainsi, et pour terminer, je me permets d'ajouter à ce chapitre quelques récits issus du Saint-Coran et de la tradition prophétique, lesquels démontreront fort bien le sens de la marche. Dieu à lui la puissance et la gloire, a dit un jour de la résurrection au fils d'Adam. Je suis tombé malade et tu ne m'as pas visité? Ô Seigneur, dit l'homme, comment devais-je te visiter alors que tu es le Seigneur des mondes? Tu n'as pas su, reprit Dieu, qu'un seul de mes serviteurs était malade et tu ne l'as pas visité. Ne sais-tu pas que si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé chez lui? Ô fils d'Adam, je t'ai nourri et tu ne m'as pas nourri. Ô Seigneur, comment je te nourrirai alors que tu es le Seigneur des mondes? N'as-tu pas su qu'un tel de mes serviteurs t'a demandé à manger et tu ne l'as pas nourri? Ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé ta nourriture chez moi? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas abreuvé? Ô Seigneur, répondit l'homme, comment pourrais-je t'abreuver alors que tu es le Seigneur des mondes? Mon serviteur, un tel t'a demandé à boire, et tu ne l'as pas abreuvé, mais si tu l'avais abreuvé, tu aurais trouvé sa boisson chez moi. La morale de ce récit est que, lorsque l'on va aider un frère, on ne fait qu'aider Dieu. Il en va de même dans l'autre sens. Quand on abandonne un frère, on ne fait qu'abandonner le Créateur. Aucun de nous n'aura vraiment la foi s'il ne désire, pour son prochain, ce qu'il désire pour lui-même. Les croyants sont frères, les musulmans et les frères de musulmans. Il ne lui fait pas d'injustice et ne le trahit pas. Celui qui aide mon frère à satisfaire ses besoins, Dieu l'aide à satisfaire les siens. Celui qui dissipe une situation affligeante à un musulman, Dieu lui en dissipe une le jour de la résurrection. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Dieu recouvre les siens le jour de la résurrection. Selon Abu Hurayra, le prophète a dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne le trahit pas, ne lui ment pas et ne se refuse pas à le secourir. C'est le fait de souffrir réellement pour les difficultés de tes frères qui te pousse énergiquement à les soulager et à trouver l'apaisement et la tranquillité que lorsque tu parviens à dissiper leur gêne. Et ce n'est qu'en réunissant cette tâche que ton visage s'illumine et que ta conscience retrouve sa tranquillité. Celui qui protège un musulman, Dieu le protégera un jour de la résurrection. Les musulmans sont frères entre eux. Ils ne sont ni injustes, ni lâcheurs, ni menteurs les uns pour les autres. Le croyant est pour le croyant comme la construction dont les éléments se tiennent les uns des autres. Qu'aucun de vous n'opte une attitude passive devant un homme qu'on frappe injustement. Car la malédiction tombe sur ceux qui assistent à son calvaire sans le défendre. Je n'allais tout de même pas, pour plaire aux mécréants, mettre à la poubelle ses propos divins et prophétiques. 1998, Coupe du Monde de football. Ma liberté n'est donc plus, même si je n'ignore pas que l'homme jouit de certaines libertés seulement, mais sûrement pas de la liberté. Mais cela ne s'arrête pas là. On a décidé de me harceler, de me persécuter. Les faits ne cesseront de le prouver. Un jour, alors que j'étais tranquillement assis dans le bureau de ma société, j'étais, comme je l'ai dit précédemment, gérant d'une société de prestation de services à domicile, c'est-à-dire une société qui s'occupe de réparation de plomberie, vitrerie, électricité, etc., etc., auprès de particuliers. En somme, de petits travaux. Le nom de cette société était Europe Assistance Intervention, du même nom que l'affaire que j'évoquerai ultérieurement. Je disais donc que j'étais assis dans mon bureau quand j'entends retentir la sonnerie. J'ouvre la porte et là, je me trouve en présence de la police et d'autres individus dont j'apprendrai plus tard qu'ils appartenaient à l'inspection du travail. Ils avaient décidé de me faire subir un contrôle lié au code du travail. Un contrôle, d'accord, mais pourquoi la présence de la police? Je ne pense pas qu'à chaque fois que l'inspection du travail décide de contrôler une société, elle vienne accompagnée de plusieurs inspecteurs de police. Que fait alors la police avec l'inspection du travail? Je ne vais pas tarder à le savoir. Il est bien évident que la police n'avait rien à faire sur les lieux. Car si l'inspection du travail décide de faire un contrôle, nul besoin de la police. En fait, ce n'était ni plus ni moins qu'un nouveau coup tordu. Je vais relater exactement ce qui s'est passé. Alors que je me retrouvais au commissariat de Nanterre à la suite de cette intervention, j'ai surpris une conversation entre un fonctionnaire de l'inspection du travail et un inspecteur de police venu tantôt nous interpeller. J'ai entendu le policier, dont le nom commence par la lettre K, mettre sur pied une version des faits qui sortait tout droit de son imagination. La véritable version est, comme je l'ai dit, que la police et l'inspection du travail étaient intervenus en même temps sur les lieux. Mais pour des raisons évidentes liées à la procédure judiciaire, la police ne pouvait pas dire la vérité. Alors, il fallait inventer une histoire, et ce fut celle-ci. Le policier K disait à l'inspecteur de travail ceci. Vous dites que vous êtes arrivé sur les lieux à 8 heures, que vous vous êtes présenté auprès du personnel de la société, lequel vous a refusé l'accès du local et suite à ce refus, conformément à la loi, vous avez appelé la police. Nous sommes donc arrivés sur les lieux à telle heure. Le temps d'arriver, là, nous avons sonné. Quelqu'un nous a ouvert et nous avons constaté la présence sur le sol de papiers ayant une forte ressemblance avec de la fausse monnaie. Nous sommes donc intervenus dans le cadre d'une procédure en flagrant délit. En effet. Il y avait bien de la publicité sur le sol, mais qui, bien sûr, et en aucun cas ne pouvait être confondue avec de la contrefaçon monétaire. Ce ne fut qu'un prétexte pour, comme je l'ai dit, agir une fois encore en procédure de flagrance, c'est-à-dire immédiatement. Ainsi, la police venait une fois de plus de comploter. Le but de ces manœuvres, pour le moins louches, était de fouiller mon local et non d'un délit imaginaire, car, comme je l'ai dit, la police a pris le prétexte d'avoir constaté sur le sol quelque chose qui ressemblait à de la fausse monnaie. Alors, que comme vous pourrez le constater en annexe, il faut soit être miro pour confondre ces cartons avec de la fausse monnaie, soit le faire exprès. La preuve étant que le tribunal correctionnel de Nanterre me relaxa de ce chef de délit. On intervenait une fois de plus pour me persécuter et me mettre la pression. Si lors de la perquisition, la police venait à découvrir le moindre élément susceptible d'engendrer des poursuites judiciaires, j'entends par là sérieuses, cela aurait pu permettre d'en faire toute une montagne et bien sûr de me mettre en prison. Parce qu'il faut savoir qu'en ce qui me concerne, contrairement à n'importe quel autre citoyen, il en faut peu pour me mettre en prison. Car même si les faits sont en soi sans gravité, on les accompagne de mensonges et surtout, on les accompagne du fameux et bien calomnieux sous-dossier. Une fois leur salade prête, j'ai déjà un pied en prison. C'est exactement ce qui se produit à chaque intervention policière. Ainsi, pas moins d'une vingtaine de personnes composées de policiers et de fonctionnaires de l'inspection du travail envahissent mon local. On fouille, renverse, jette, pour enfin m'embarquer. La police n'a bien sûr rien trouvé de répréhensible, sauf d'avoir découvert les fameux fusils à pompe qui m'avaient été restitués par la justice. En effet, la loi prévoit qu'en cas d'annulation de la procédure, les objets saisis doivent être restitués. On m'avait donc rendu ces fusils à pompe, lesquels, complètement abîmés, avaient été jetés dans un coin de mon local. J'étais cependant parfaitement confiant et serein. Je n'avais rien fait de répréhensible. Je ne voyais donc pas pourquoi j'irais en prison. Une fois de plus, je me trompais. L'objet du délit, c'était moi. Je me retrouve en garde à vue, fouille à poil. Enfin, inutile de raconter ce passage, tant d'hommes et de femmes l'ont narré avant moi. Et voilà, je me retrouve une fois de plus devant un juge d'instruction. Ce n'était certes pas un juge antiterroriste, j'avais donc moins à craindre. Mais tout de même, j'ai quand même autre chose à faire que d'aller en prison, surtout lorsque je n'ai rien à me reprocher. Je n'avais pas encore bien compris, à mon détriment, que l'objet du délit, c'est moi, Met Mati Mahamar. Écrivain qui dénonce les massacres et appelle les musulmans à se réveiller. J'entre donc dans le bureau du juge qui m'inspire plutôt confiance. Un homme, semble-t-il serein d'un âge avancé. Que va-t-il encore me dire? Je l'écoute. On vous reproche d'avoir embauché des distributeurs de prospectus sans les avoir déclarés à l'URSSAF. Certes, je le reconnais, mais on ne va tout de même pas me mettre en prison parce que j'ai embauché deux Pakistanais. Alors il a commencé un discours sur l'économie. Vous savez, monsieur, cela perturbe l'économie de la France. Et patati et patata. Et je compris qu'une fois de plus, j'allais dormir en prison. Et je dormis en prison. Le soir, je me retrouve à la maison d'arrêt de Nanterre, au quartier des arrivants. Cependant, je savais que je ne risquais pas grand-chose, et cela me rassurait. Ce n'était pas l'antiterrorisme, je n'allais donc pas faire une ou deux années en préventive, pour rien. Au bout d'un mois et 10 jours, on me relâcha. Mon avocat me dit « J'aurais pu te faire sortir avant, si tu m'avais désigné. » À quoi bon alors m'avoir mis en prison ? À 1 mois et 10 jours, cela veut dire, si je comprends bien, que l'atteinte à l'économie de la France n'était pas si grave que cela. De toute évidence, il y avait autre chose. Pourquoi m'avoir mis en prison, alors qu'en 1 mois et 10 jours, le juge ne peut pas avancer dans son instruction ? Il n'en savait donc pas plus qu'1 mois et 10 jours plus tôt ? En fait, c'était encore une manipulation, car on n'a jamais mis un homme en prison pour avoir embauché 2 distributeurs au seul motif qu'il ne les avait pas déclarés à l'URSSAF. De plus, ma sœur m'a dit qu'elle avait vu les flics et se félicitait quand ils ont appris que le juge avait décidé de me mettre en détention. Ils étaient heureux comme des enfants à qui on avait acheté une glace. Leur coup avait marché. Ce qui va suivre est encore plus grave. Je quittais donc la maison de Nanterre 1 mois et 10 jours après mon incarcération. Je pense que la raison de ce complot fut en liaison, comme je l'ai écrit en titre du chapitre, avec l'événement de la Coupe du Monde de football. Le procès s'ouvre au tribunal correctionnel de Nanterre. Pour cette drôle d'affaire, je serai condamné à 6 mois de prison avec sursis. Cette peine, à elle seule, prouve que la détention préventive n'était pas justifiée, puisque je n'ai été condamné à aucune peine ferme. Je pensais pourtant que l'on plaçait des gens en détention provisoire lorsqu'il y avait de quoi les faire condamner à une peine ferme ultérieurement. Mais lorsqu'un tribunal ne vous condamne qu'à 6 mois de prison avec sursis, cela prouve, je pense, que le délit reproché n'est pas si grave que cela. Par conséquent, la détention provisoire n'a pas de raison d'être. Le juge du tribunal ne s'y était pas trompé. Mais enfin, je suis assez satisfait de la décision. Je me dis que j'aurais pu écoper d'une peine plus sévère. Plus sévère en raison non pas du délit, puisque embaucher 2 Pakistanais pour distribuer des prospectus n'a jamais envoyé qui que ce soit en prison, mais ma crainte venait à présent de mon expérience. Plus rien ne m'étonne. Je commençais à être extrêmement suspicieux quant à la justice de ce pays, et il y a de quoi. 6 mois de prison avec sursis, c'est donc bien. Je décidai néanmoins de faire appel, ce en raison de mon désir de récupérer les cartons publicitaires qui avaient été saisis. Lesquels avaient été considérés lors de l'opération comme délictueux, bien qu'une autre société, COR, distribuait aussi ce type de publicité, bien avant nous. D'ailleurs, nous avions copié sur elle. A-t-elle jamais été inquiétée? Jamais. Mais ces cartons publicitaires, qui avaient soi-disant une forte ressemblance monétaire, ne furent qu'un prétexte. Comme je l'ai dit, je fus relaxé pour ce prétendu délit dit de contrefaçon monétaire. Pour qu'il y ait contrefaçon, il n'est pas nécessaire que l'imitation des monnaies soit parfaite. La contrefaçon peut résulter d'une somme d'apparence suffisante pour que la circulation puisse en être obtenue au détriment des pièces véritables. Crime, 25 mars 1837. Or, je ne vois vraiment pas comment un commerçant pourrait s'y méprendre quand on sait qu'il s'agissait non pas de papier, mais de carton épais de 2 mm de format et de 8 cm sur 14 de long et dont la représentation n'a rien à voir avec un billet de banque. Comme vous pouvez d'ailleurs le constater en page annexe. Faut pas déconner. Là, c'était vraiment exagéré. J'avais dit que je désirais interjeter appel, non pas contre le jugement, mais pour pouvoir récupérer ma pub. En fait, j'aurais dû prendre les 6 mois avec sursis, leur laisser la pub et disparaître. En effet, quelle bien mauvaise idée d'avoir fait appel. La cour d'appel de Versailles décida de me condamner à 1 an de prison ferme. Oui, un an de prison ferme alors que je n'avais écopé que de 6 mois avec sursis à Nanterre. Comment peut-on raisonnablement et logiquement expliquer cela? J'étais condamné à une peine complètement différente par une juridiction qui n'était pas à l'autre bout de la terre, mais à quelques kilomètres de celle de Nanterre. J'aurais probablement pu comprendre s'il s'agissait d'une décision émanant d'un autre pays, quoique. Mais Nanterre, ça n'est pas très loin de Versailles, et même si la cour de Versailles est connue pour sa vérité. Il s'agit là non pas de sévérité, mais à mon sens, de traficotage, cela est criant. La suite me donnera une fois de plus raison. Nul, selon moi, ne peut expliquer cela. Je peux dire, expliquer raisonnablement cette peine d'un an de prison ferme qui ne correspond à rien. En tout cas, sûrement pas au fait que l'on me reproche. On a effectivement du mal à expliquer cela. Mais je finis par trouver l'explication de cette peine inique. Il y avait une autre main que celle de la justice. Du moins, ce qu'il en reste. Je devais donc affecter un an de prison ferme et je m'étais résigné à exécuter cette peine. Cependant, un espoir vint m'habiter quand ma sœur, qui est, comme je l'ai dit, avocate, m'a appris que je pouvais former opposition à cet arrêt, car je n'étais ni présent, ni n'avais été touché par la convocation. C'était donc normalement, je dis bien normalement, un arrêt rendu par défaut. Normalement. En effet, la loi dit que si la personne concernée n'est pas présente lors de son jugement parce qu'elle n'a pas eu connaissance de la citation, notamment parce qu'elle n'a pas, par exemple, de domicile fixe et donc n'a pu être avisée qu'elle devait se présenter au tribunal, il s'agit alors d'une décision par défaut, par conséquent, le prévenu peut faire opposition et un nouveau jugement devra avoir lieu. Mais il faut croire que pour moi, les règles ne sont pas les mêmes. Ma sœur se rend donc à la cour d'appel de Versailles pour accomplir la procédure en ce sens. Elle produit l'accusé de réception de la lettre recommandée que la justice a expédiée afin de m'aviser de la date d'audience et fait valoir au magistrat que Monsieur Metmati Mahamar n'a pas été touché par la citation en justice adressée par la cour. Une autre personne, en l'occurrence Monsieur Karim, a pris ce courrier à la main du facteur et a signé en lieu et place de Monsieur Metmati Mahamar. Pour preuve, elle produit l'accusé de réception, la justice avait le double dans le dossier, avec la signature de Monsieur Karim, ainsi que la carte d'identité de ce dernier, prouvant qu'il s'agit bien de la même signature. En conséquence de quoi, Monsieur Metmati Mahamar n'a pas été avisé de la date d'audience et a théoriquement été jugé par défaut et indique qu'elle souhaite, comme la loi le prévoit, former opposition au nom de son client. Cela a été le plus simplement du monde rejeté. Les juges n'ont rien voulu savoir. Ils n'ont rien voulu savoir et en plus l'avocat général a menacé de poursuivre Monsieur Karim pour faux. Ma foi, pendant qu'on y est, pourquoi pas? En définitive, ni la peine d'un an ferme, ni le rejet de ma requête n'étaient compréhensibles, cela est évident. Mais comme je l'ai dit, toute chose a une explication. Il n'y a que les fous qui font les choses comme ça pour rien. Le crime a toujours un mobile, même bidon, mais il y a toujours un mobile. Les raisons qui ont conduit à la peine d'un an ferme, ainsi que le refus de rejuger l'affaire, n'étaient en rien motivées par le respect de la loi. L'explication, que je considère être du charabia judiciaire, puisqu'en effet, on m'arrête après avoir monté une intervention de toutes pièces, puis on m'incarcère alors que personne d'autre n'aurait été pour les mêmes faits mis en prison. Puis on me relâche un peu plus d'un mois après, à croire que le délit s'était soudainement envolé. Puis je me suis condamné à aucune peine ferme, ce qui prouve que les faits ne méritaient pas la prison. Puis de nouveau, on me condamne à une peine d'un an de prison ferme au lieu de 6 avec sursis. Un an de prison ferme, ce qui laisse penser de nouveau que les faits étaient graves. Puis, on me refuse le droit de me défendre et de me faire représenter comme le prévoit la loi. Je pense que l'explication de tout ce charabia judiciaire, ou plus exactement l'explication de la peine d'un an ferme, réside dans le fameux et bien mensonger sous-dossier ou le dossier renseignements généraux. Le sous-dossier ou le dossier renseignements généraux. Qu'est-ce que le sous-dossier ou le dossier GR? Eh bien, je vais vous le dire. Il m'est arrivé de comparaître face à des juges, ce à plusieurs reprises, non pour des délits sérieux, mais dans le cadre de mon activité. On a effectivement souvent des plaintes de clients, à tort ou à raison, insatisfaits du travail du dépanneur ou du prix de la prestation. Dans ce domaine, les plaintes sont souvent classées sans suite. Mais en ce qui me concerne, elles ne le sont jamais. Il faut bien qu'à défaut de pouvoir m'importuner pour des choses sérieuses, on le fasse pour de médiocres plaintes. D'ailleurs, lors de l'opération dite Europe Assistance Intervention, le GIR a débarqué chez nous à cause justement de plaintes clients. De mémoire, il y avait 4 plaintes dont 3 étaient prescrites. Premièrement, je n'arrive pas à comprendre ce que vient faire le GIR dans ce domaine. Deuxièmement, Comment peut-on débarquer chez les gens mitraillette à la main et cagoule sur la tête pour des plaintes clients? Mais rien n'est fait au hasard, et donc tout s'explique, pourvu que l'on réfléchisse un peu. J'aimerais dire que l'on n'a jamais vu ni le GIR, ni les cagoulés se vendre chez des patrons de société parce qu'il leur était reproché des plaintes clients. Jamais. En général, c'est le service de la répression des fraudes qui s'en occupe. Et dans le pire des cas, les gérants de société reçoivent non pas une rafale de mitraillettes comme j'étais à deux doigts de recevoir, mais une convocation. Mais comme je l'ai dit, avec moi, c'est différent. Ainsi, on me poursuit pour des plaintes dont je sais, et ils savent pertinemment, ceux qui me poursuivent, que je ne risque pas grand-chose devant un tribunal. Cela n'est donc pas rentable pour ces messieurs de monter tout un dossier en ce sens. En fait, ils ne comptent pas sur le dossier initial pour me faire payer mon attachement à l'islam, mais plutôt sous le sous-dossier ou le dossier renseignements généraux. Ce fameux dossier renferme un rapport des renseignements généraux. Jusque-là, rien de vraiment particulier. Ce qu'il est, ce sont les notes que les RG versent dans le dossier que le juge lira, lesquelles sont parfaitement fausses. Le but de ces notes étant d'influencer sa décision, l'inciter à me condamner plus durement. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement quand le juge lit, je cite, « Connu pour vol à main armée ». Alors que je n'ai jamais commis de ma vie de vol à main armée, on peut le vérifier. Ou encore, « Ce dernier est défavorablement connu pour acte de terrorisme ». Et bien d'autres informations complètement bidons. Alors, bien évidemment, le juge, quand il lit cela, que pense-t-il? Eh bien, il pense avoir affaire à un dangereux malfaiteur, islamiste, terroriste, etc., etc. Ainsi, même si le dossier initial pour lequel je suis poursuivi est sans intérêt, il y a quand même de grandes chances pour que j'écope d'une peine complètement disproportionnée au fait que l'on me reproche, et c'est normal, puisque le juge croit qu'il a affaire à un dangereux criminel islamiste terroriste. Et c'est probablement ce qui s'est passé à Versailles, d'où la peine incompréhensible d'un an ferme. Je tiens à dire que ce sous-dossier renferme bien d'autres informations mensongères. D'ailleurs, il m'est arrivé d'être poursuivi pour des faits liés à mon activité. Il était fait mention, dans le dossier, que les policiers en charge de l'enquête initiale avaient reçu des coups de fil des renseignements généraux, lui demandant de ne pas transmettre le dossier au parquet, c'est-à-dire de ne pas le clôturer avant qu'on le lui ordonne. En fait, les RG préparent leur poison, qu'ils verseront dans le dossier initial, ce, afin que les dossiers soient réunis et que le jour de l'audience, le juge prenne connaissance, non pas d'un, mais de deux dossiers. C'est donc ce que j'appelle le second dossier ou le dossier renseignements généraux. Il n'est donc pas du tout étonnant que je sois condamné à des peines complètement disproportionnées aux faits reprochés. J'imagine la tête du juge lorsqu'il prend connaissance, un peu avant l'audience, du contenu du dossier. D'ailleurs, une fois je m'étais permis de lui faire une réflexion. En effet, à peine l'audience avait-elle commencé, que ce dernier s'adressait à moi de façon agressive. Je lui dis alors « Mais pourquoi êtes-vous aussi coléreux ?» Bien évidemment, je le savais puisque j'avais consulté précédemment le dossier avec mon avocat, mais je voulus lui faire comprendre que je n'étais pas là pour un homicide, mais pour un robinet qui avait continué à goûter après l'intervention de mon employé. Alors que je sortais de chez moi, et au moment où j'introduis les clés dans la serrure de ma voiture, plusieurs flics me sautent dessus. On venait m'interpeller pour que je purge ma peine d'un an ferme. C'était le 12 avril 2001. Je reviens sur un fait que j'avais évoqué ultérieurement, à savoir que les aménagements de peine prévus par la loi, en théorie pour tous, ne le sont pas pour nous. Nous, c'est-à-dire les islamistes. J'effectuais donc ma peine d'un an de prison. En réalité, il ne me restait plus que 6 mois à faire puisque j'avais déjà fait un peu plus d'un mois en préventive et cela, il fallait déduire les remises de peine prison plus les grâces du 14 juillet. La loi prévoit que si le détenu a moins d'un an à effectuer, il peut solliciter une demande de semi-liberté. La commission siège donc, à ma grande surprise, le procureur s'était déplacé en personne afin de crier son refus de me voir bénéficier de ce régime de semi-liberté. J'ai appris par ma sœur avocate que le procureur ne se déplace jamais dans un pareil cas. Mais pour moi, il fit le déplacement. De plus, ce procureur s'était fermement opposé à ce que ma sœur puisse me défendre, bien que la loi l'y autorise. En définitive, j'ai dû accomplir l'intégralité de ma peine pour pouvoir sortir. Un homme à abattre. Il est vrai qu'il m'est arrivé de bien drôles de mésaventures, et c'est le moindre que l'on puisse dire. Mais celle-ci est, je pense, la pire. En effet, tout laisse à penser que l'on a voulu m'éliminer physiquement. Tout commence ainsi. Je quitte mon bureau, situé au 6 rue du Mont-d'Urville, à la Garenne-Colombes, dans le 92. Je suis en compagnie de mon grand frère, Mohamed, lequel n'a pas de voiture. Je lui propose donc de le déposer chez lui. Il habite une cité non loin de là, à Nanterre. À cette période, je préparais mon livre intitulé « L'Islam Made in France ». Et il faut croire que les écoutes téléphoniques ont informé les RG de cette publication. Ces derniers ont probablement estimé que ce livre ne devrait en aucun cas paraître. C'est comme cela, en tout cas, que je l'ai compris. Je pose mon ordinateur sur la banquette arrière de mon véhicule ainsi que mon cartable. Je prends la route. Il n'était pas très tard, probablement aux environs de 22 heures. Nous bavardons de tout et de rien. Arrivé à un feu rouge situé avenue Juliot-Curie, je regarde sur ma gauche, tout en tournant ma tête en arrière. J'aperçois une voiture. Non pas suspecte, c'était une Citroën AX, de couleur grise. Mais disons que j'ai eu une drôle de sensation. Le problème avec moi est que les impressions, les sensations, ce n'est pas trop mon truc. J'aime le concret, c'est mon caractère. L'avenir m'a toujours prouvé que je devais me fier à mon instinct. Je disais donc que cette AX avait quelque peu attiré mon attention. Les occupants étaient au nombre de 4 ou 5, dont une femme. Le regard de cette dernière avait croisé le mien. Ils étaient très prudents, puisque je ne les avais pas repérés avant ce moment. De plus, bien évidemment, ils s'étaient gardés de se positionner derrière moi ou à mes côtés. Au moment où je les ai repérés, ils étaient sur la file de gauche et derrière une ou deux voitures. Théoriquement, je ne pouvais les voir. Il est évident que peu de conducteurs arrêtés à un feu rouge tournent leur tête d'un demi-tour. J'aperçois sur l'autre file, à gauche de cette AX, mon ami Karim, qui a pris la file à l'extrême gauche afin d'emprunter l'avenue Pablo Picasso pour se rendre chez mes parents. Je lui fais un petit sourire, le feu passe au vert, je tourne à droite et ne tarde pas à entrer dans la cité dite Berthelot. Je me gare au bas de l'immeuble où habite mon frère et papote avec lui. En réalité, lui parle et moi, par respect, l'écoute, sans lui montrer aucun signe de mon impatience. C'est ce que j'appelle le respect du sang et de l'âge. Au bout d'une vingtaine de minutes environ, il finit par me dire « Allez, salut !» Ouf. En général, le soir venu, je suis très fatigué. J'aime rentrer chez moi et me reposer. Je retrouve un moment de calme. Ce que j'ignorais, c'est que j'étais suivi depuis la rue Dumont-d'Urville et le calme. Je n'allais pas le trouver ce soir. Bien au contraire. Je reprends donc la route pour rejoindre l'autoroute A86 qui mène de l'A15 afin de rejoindre Pontoise, où ma fiancée habitait. Au moment où j'emprunte le virage qui mène à l'autoroute A15, la fameuse AX vient à ma hauteur et me fait des queues de poisson, non pas à l'avant de mon véhicule, mais sur le côté gauche de celui-ci. J'ignorais qui étaient les occupants et ce qu'ils me voulaient. Je pris donc peur et décidai d'accélérer. Je sème cette AX puisque j'étais en BMW. Arrivé à la sortie de Pontoise, j'actionne mon clignotant et regarde dans le rétroviseur. J'aperçois loin une voiture qui fait de même. Mais je n'étais pas bien sûr qu'il s'agissait de la fameuse AX. Je décide donc de continuer tout droit. La voiture en fait autant. Il n'y avait plus de doute. L'AX était encore derrière moi. J'oubliais de dire qu'entre-temps, je prenais le soin d'appeler mes amis qui me conseillèrent de faire demi-tour, ce que je fis. Pendant ce temps, Karim partait à ma recherche. Je fis demi-tour et sortis de l'autoroute à Argenteuil. Arrêté à un feu rouge, une voiture de type utilitaire vient me fermer le passage et rebelote. J'actionne la première et fuis. J'emprunte des rues en sens inverse, grille des feux rouges, et arrive au pont d'Anières, non loin du pont de Clichy. J'avais semé mes poursuivants et m'interrogeais. Qui sont ces gens et que me veulent-ils? Alors que j'étais arrêté à un feu rouge en pleine méditation, un camion de police vient en sens inverse et passe à côté de moi. Je regarde dans le rétroviseur et constate qu'il essaie tant bien que mal de faire demi-tour. Cela ne m'inquiète nullement, puisque d'une part, je n'ai rien à me reprocher, et d'autre part, j'avais même envie d'aller les voir. Je voulais voir la police, et bien j'allais être servi. Pas moins de 20 voitures de police arrivent de toutes parts. On me sort de la voiture, me jette au sol si violemment que mon jean se déchira au niveau des genoux, me menotte et me jette dans le car de police. À ce moment, un flic en civil monte dans le camion et commence à me porter des coups. Je ne comprenais rien à rien. J'allais tranquillement pour rentrer chez ma fiancée, et je me retrouve face à cette noria de voitures de police, et en plus, on me porte des coups. Un policier qui était présent dans le fourgon s'interrogea et cria à l'inspecteur « Arrêtez ça ! Arrêtez ça !» Son geste m'a touché. Une confirmation qu'ils n'étaient pas tous les mêmes. Enfin, le camion démarre et m'emmène je ne sais où. Le policier qui s'était interposé me dit « Qu'est-ce que tu leur as fait ?» Je lui réponds « Rien !» Il me rétorque « Arrête de te foutre de ma gueule !» Ce dernier avait en effet vu à quel point les flics s'étaient acharnés sur ma personne. Cette haine ne pouvait venir que d'un rapport de force qui s'était déroulé entre nous, ce qui bien évidemment était inexact. Naturellement, J'aurais peut-être eu la même réaction à sa place. Ensuite, je lui dis « Où va-t-on ? À Nanterre ?» me répondit-il. Je ne comprenais rien à rien. Les explications n'allaient pas tarder à venir. Nous arrivons au commissariat de Nanterre. On me monte chez les stupes. Les stupes ? Pourquoi les stupes ? Qu'est-ce que j'avais à faire avec les stupes ? Là encore, je ne comprenais rien. Mais n'allez pas tarder à comprendre. Un peu de patience. On commence à me fouiller ainsi que mon cartable. On parcourt mon livre de compte, puis un flic me dit « Ah, c'est quoi ces sommes ?» Sous-entendu, on pourrait croire que tu vends de la drogue. On me met à poil. Et à même le sol. Après cette humiliation, les questions commençaient. « Pourquoi tu vas pas faire ça dans ton pays ?»« Quoi ça ?»« La religion !» Et je compris. Des stupes qui parlent de religion, c'est pas ordinaire. Et la discussion ne tourna qu'autour de ce sujet. Je finis par dire à l'un d'eux « J'ai compris le message. Je voulais dire que je devais arrêter mes activités, sinon... » En fait, ce service connu pourrait être à la limite de la légalité, a été contacté par je ne sais quel autre service de l'État, afin d'essayer de m'éliminer. Oui, j'ai bien dit « éliminer » et vais expliquer pourquoi je crois en cela. On m'emmène pour procéder à la fouille de ma voiture. Les flics constatent la présence de l'ordinateur et me disent « Et si on détruisait tout ce qu'il y a dedans » C'est-à-dire le livre. Je leur répondis « Eh ben allez-y » quand tout à coup, à mon grand étonnement, un flic trouve un morceau de shit et me demande « C'est quoi ça ?» Je lui réponds « Ça, c'est à vous. Et vous venez de le mettre dans la voiture. » En effet, je ne fume pas, ni mes amis. Tout ça semblait encore un peu flou. Pourquoi la voiture de police, la X, n'a-t-elle pas actionné son gyrophare à Nanterre pour m'arrêter ? Pourquoi avoir attendu d'entrer sur l'autoroute pour me faire des queues de poisson et sans décliner à aucun moment leur identité ? Il faut quand même préciser qu'il s'est écoulé au moins une heure entre le moment où ces policiers m'ont suivi depuis la Garenne Colombe et celui où on a décidé de me faire fuir. Pourquoi ce morceau de shit ? J'avais l'esprit embrouillé. Avec un peu de réflexion, les choses parlent d'elles-mêmes. Le lendemain, on m'emmène faire une perquisition à mon bureau. Cette perquisition a été justifiée par le parquet en raison du morceau de hashish découvert dans ma voiture. C'est donc ça. En effet, sans l'existence de ce morceau de hashish, les flics n'auraient pas pu demander au procureur l'autorisation de perquisitionner. Nous étions avant la découverte de ce morceau de stupéfiant en présence d'infractions au code de la route. Or, ce cadre juridique ne leur permettait pas de procéder à une perquisition. Alors qu'avec un fameux morceau de shit, ils pouvaient légalement venir une fois de plus fouiller et fouiner comme à leur habitude. Arrivé devant le local, coup de pompe dans la porte. Elle s'ouvrit immédiatement. Elle en a vu tellement. Et là, étrangement, l'équipe des stupes ne bouge pas. Ce sont d'autres policiers, que je ne sais de quel service, qui fouillent les papiers de façon minutieuse. Qui étaient ces flics ? Hergé, probablement. Et une fois que ces derniers avaient fini leur boulot, ils n'avaient bien évidemment rien trouvé. Un stupe prend une boîte de riz, la renverse et dit « Maintenant, on va faire la perquisition des stupes. » Là encore, et bien évidemment, ils n'allaient rien trouver. On quitte alors mon local pour le commissariat. Fin de la garde à vue, on m'emmène pour être jugé en comparution immédiate. Théoriquement, je devais aller en prison puisque l'on me reprochait la mise en danger de la vie d'autrui et la tentative de fuite. Écoutons à présent la version de la police. La police prétend être stationnée dans la cité Berthelot, cité dite sensible, un peu comme toutes les cités de la banlieue parisienne. Elle voit une BMW de couleur noire arriver. Elle leur semble interlope. Peut-être des trafiquants de drogue, se dit-elle. Elle décide donc d'effectuer un contrôle d'identité. Cependant, la BMW refuse de s'arrêter. La police là prend donc en chasse, actionne le gyrophare, une course-poursuite s'enfuit. Finalement, la BMW sera arrêtée à l'endroit où l'on m'a interpellé. La police a ajouté qu'il y avait deux occupants dans le véhicule et que durant la course-poursuite, j'en avais profité pour le larguer. Cette version est bien sûr complètement fausse. La police m'a, comme je l'ai dit, suivi non pas à partir de la cité Berthelot, mais depuis mon local à la Garenne Colombe. De plus, la X n'a jamais actionné son gyrophare, sinon je me serais arrêté. Je n'ai jamais fui un contrôle de police. Je dis bien jamais. Mais tout cela fut un coup monté, et je vais donner la raison de cette machination. Comme je l'ai dit, la police m'a suivi depuis mon bureau. Si elle avait voulu m'arrêter, elle aurait pu le faire autant de fois qu'elle le souhaitait. Mais justement, elle ne voulait pas m'arrêter, bien au contraire. On a entendu que j'arrive à un endroit, en l'occurrence, le début de l'autoroute A15, pour me faire les espèces de queues de poisson qui n'avaient pas pour but de m'arrêter. Car une fois de plus, si l'on avait réellement voulu m'arrêter, on aurait pu le faire dès la Garenne Colombe ou à Nanterre. On ne l'a pas fait. Parce que le but était justement de me faire fuir, et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi désirait-on me faire fuir ? Tout simplement dans l'espoir de provoquer une bavure policière. Des gens, beaucoup moins que cela, ont pris une balle dans la tête. Mais ce complot, grâce à Dieu, a échoué. Sinon, comment expliquer que ces policiers n'aient à aucun moment actionné leur gyrophare pour faire connaître leur qualité? Pourquoi m'avoir suivi depuis la Garenne-Colombes? Pourquoi avoir entendu environ 20 minutes après avoir déposé mon frère, puis reprendre la filature jusqu'à l'entrée de l'autoroute A15, pour non pas m'arrêter, mais m'effrayer afin que je prenne la fuite? Cela prouve bien que l'objectif n'était pas de m'interpeller, mais de me faire fuir. Et la seule hypothèse qui subsiste demeure dans l'intention de provoquer une bavure. Sinon, pour quelle raison aurait-il agi ainsi? Pour ma part, je n'en vois aucune autre. Je tiens à dire que ces mêmes flics ont corrompu devant le tribunal correctionnel de Nanterre le 26 juin 2003. Ils étaient poursuivis pour je ne sais quelle magouille et sont de plus défavorablement connus. Je comparais donc selon la procédure de comparution immédiate. Ma sœur est présente, les flics aussi, afin de mettre la pression. Ils étaient présents comme des victimes. Ils jouaient tellement bien leur rôle que pour peu, on leur aurait remis une médaille. De toute évidence, je devais aller en prison. On m'avait mis en prison pour beaucoup moins que ça. Je fais allusion à l'affaire du Pakistanais. Alors là, pour avoir tenté de fuir la police, pour avoir grillé des feux rouges, avoir pris des rues en sens inverse, il n'y avait pas de doute. Ce soir, je dormirai une fois de plus en prison. J'étais dans le box des accusés. Le juge, au vu des seuls éléments du dossier, décida de me placer sous contrôle judiciaire, assorti de l'obligation de verser une caution. Je dis au vu des seuls éléments du dossier, car n'oublions pas le fameux sous-dossier. En effet, si on lui avait remis ce dernier, l'issue en aurait peut-être sûrement été tout autre. Je sortais donc libre du tribunal de Nanterre. Libre, certes, mais pas pour longtemps. Je fus ultérieurement condamné pour cette affaire à 8 mois de prison avec sursis, alors que j'étais innocent. On veut m'assassiner, on me tape dessus, on m'humilie en garde à vue, et en plus je suis condamné à 8 mois avec sursis. Drôle de justice. L'affaire dite Europe Assistance Intervention. Nous sommes en juin 2003. Alors que je dormais paisiblement à mon domicile, la porte vole en éclats. Il est 6h, l'heure légale pour faire une perquisition. Encore une fois, ce sont les cagoulés qui ouvrent la marche. Des fois que... Une dizaine de policiers investissent mon petit appartement, menottés, fouillés à même le sol. On me fait asseoir. « Pourquoi êtes-vous là? Qu'est-ce qui se passe encore ?» leur dis-je. Un policier me montre un papier sur lequel il était fait mention d'escroquerie d'Europe Assistance Intervention. À ce moment précis, je compris que c'était encore un coup tordu. En effet, lorsqu'il s'agit d'un prétendu délit lié à ma société Europe Assistance Intervention, cela ne peut être que bidon. Ou alors, monté de toutes pièces. Puisque cette société tourne au ralenti et ne peut en aucun cas servir à commettre la moindre escroquerie. À moins, bien sûr, que l'escroquerie consiste, comme c'est le cas dans cette drôle d'affaire, à avoir des clients insatisfaits. Et une fois de plus, il s'agissait bien de cela, de quelques clients insatisfaits. On fouille mon appartement du sol au plafond. Résultat, rien de chez rien. Si, j'oubliais, un permis de conduire sur lequel il y avait ma photo, mais avec un autre nom. Comme je l'ai dit précédemment, j'étais contraint d'agir ainsi en raison de la fameuse fiche. La police ayant fini son boulot, je pouvais donc commencer un petit peu à converser avec elle. D'ailleurs, les policiers étaient tous sympathiques, qu'ils étaient tous extrêmement acharnés à croire qu'ils avaient fait de cette opération une affaire personnelle. Ou alors les instructions qu'ils avaient reçues leur ordonnaient d'agir avec le maximum d'efforts. Dieu seul le sait. J'apprendrai de la bouche d'un imprimeur que la police s'était rendue chez ce dernier afin de l'entendre sur cette affaire. Les policiers l'avaient alors incité à déposer plainte contre moi en lui montrant un article paru dans le quotidien, Le Parisien, lequel relatait, on le sait, de façon extrêmement diffamatoire, cette étrange affaire. D'ailleurs, une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation contre ce journal est en cours. De plus, il lui avait dit que nous étions en prison et en avait profité pour tenir d'autres propos pour le moins malvenus quand on sait que la police est astreinte à un devoir de réserve. « Alors, qu'avez-vous trouvé d'intéressant ?» leur dis-je. Pas de réponse. « Vous savez, aussi bien que moi, que cette opération est bidon et que dans 48 heures, je serai dehors. » Le dialogue commençait à s'installer et s'achambrait gentiment des deux côtés. « Mais oui, c'est ça. T'as raté ta carrière, t'aurais pu faire comique. »« Pour l'instant, c'est vous les comiques. Vous envoyez l'armée pour ça ? C'est vraiment n'importe quoi. » « Vous n'avez rien à me reprocher, et vous le savez. »« On verra ça au commissariat, tu vas être étonné. »« Je serai étonné de rien du tout. Vous savez pourquoi ?»« Parce que je sais que je fais et ce que je ne fais pas. Alors arrêtez votre bluff !» Le plus surprenant est qu'en l'absence de tout élément pouvant faire avancer l'instruction, si instruction il y avait, les policiers ont réussi à remplir une dizaine de sacs de scellés. Les scellés, pour ceux qui l'ignorent, sont des objets saisis pouvant servir à la manifestation de la vérité. Mais pour qu'il puisse y avoir manifestation de la vérité, faudrait-il encore qu'il y ait mensonge. Mais là, il saisissait vraiment n'importe quoi. Des vieilles disquettes, des ordinateurs portables, des clés de voiture, pour autant que la voiture soit mise elle-même à la disposition de la justice. Je leur dis, mais là, vous prenez n'importe quoi. Ils étaient censés connaître leur boulot. Dans ma tête, je me suis dit, pendant qu'ils y sont, ils devraient mettre sous scellés les rouleaux de papier toilette, des fois que... Nous quittons l'appartement pour fouiller le box, la voiture, ainsi que la cave, rien n'a été découvert. Nous quittons donc les lieux pour rejoindre les locaux de la BRIF, situés à Paris, non sans avoir perquisitionné ma librairie. À cette dernière, la police découvrira des documents administratifs. De mémoire, deux passeports et une carte d'identité. Tous ces documents avaient la particularité d'avoir, comme le permis de conduire découvert à mon domicile, une photo ne correspond pas au titulaire réel du dit document. Et ce, pour les mêmes raisons que pour le permis, c'est-à-dire en raison de la fiche qui nous rendait la vie impossible. Mais en aucun cas ces documents n'ont servi ou n'étaient destinés à commettre le moindre délit. Durant la garde à vue, un ami a demandé à un policier « Mais où est l'escroquerie ?» Il lui a répondu « Je ne sais pas pour l'instant, on verra plus tard. » La police avait interpellé un peu plus d'une douzaine de personnes. Toutes ont été relâchées, sauf toujours les mêmes, à savoir mon petit frère, deux amis et moi. Je passe devant le juge d'instruction en présence de mon avocat et ça se passe très bien. Puis, je me rends dans le bureau du JLD. Le juge des libertés de la détention. Idem. Ça se passe extrêmement bien. Je voyais qu'ils étaient gênés de me mettre en détention. Mais comme s'il y avait une pression extérieure. Il me dit alors « Je vous place sous mandat de dépôt à la prison d'Ony. Si ça continue comme ça, je vais finir par toutes les faire. Nanterre, Bois d'Arcy, La Santé, Ony. Et rebelote. Je me retrouve en prison. Cependant, j'étais très confiant. Je n'avais rien fait. Et comme je vais l'expliquer plus loin, je considère, je dis, considère, car ce n'est pas à moi de décider, mais à la justice française, qu'il n'y avait aucun délit. Mon père était très malade, si bien qu'il décédera 5 jours seulement après ma sortie de prison. Je fus incarcéré le 12 juin 2003. Comme l'état de santé de mon père s'était gravement dégradé, ma sœur fit établir un certificat médical afin de déposer une demande de mise en liberté au motif qu'il vivait ses derniers instants. Le juge d'instruction accepta cette demande. Il ne faut pas se leurrer. Si les faits pour lesquels j'étais poursuivi étaient tant soit peu sérieux, le juge l'aurait refusé. Ou alors, m'aurait accordé une sortie sous bonne escorte. Combien de détenus ont appris la mort de leur père et ou de leur mère en prison? Beaucoup. De plus, je n'étais pas le seul à retrouver la liberté, mais également tous les autres personnes incarcérées. Alors que j'étais allongé sur mon lit, occupé à lire, le surveillant entre dans ma cellule et me dit « Tu dois sortir quand, Maître Mathy ?» Je lui réponds « Je ne sais pas. » Il me dit « Prépare tes affaires, tu es libre. » Une joie immense me saisit. Je préparai rapidement mes affaires, remplis un sac poubelle de tout ce qu'il me restait de nourriture et autre chose dont je n'avais pas l'utilité dehors et qui serait plus utile à un autre détenu. Pas à n'importe lequel. À celui qui, de sa propre initiative, sachant que je n'avais rien, comme tout arrivant, me dit « T'as besoin de quelque chose ?» et m'offrit ce qu'il pouvait. Il y avait deux autres détenus, très corrects aussi. L'un que j'avais rencontré à Nanterre en 1998, quand je fus incarcéré pour l'histoire des Pakistanais, et à qui j'avais raconté mes mésaventures. Je lui remis une nouvelle couche de celle-ci. L'autre était un Marocain, très bien aussi. Il m'avait remis de la boisson et une PlayStation. Eh oui, à Ony, on a le droit d'en posséder une. Mais ce n'est pas trop mon truc. Je préfère lire. Je découvris la liberté en ce jour de 2 juillet. J'avais passé 20 jours en prison, et une fois de plus pour rien. Ou alors pour pas grand-chose. En tout cas, rien qui puisse justifier l'emprisonnement. Ma sœur vient me chercher, je file chez mes parents voir mon père, qui, paraît-il, ne cesse de nous réclamer. Je l'embrasse et prie à Dieu pour lui et son âme. Il décédera en Algérie le 7 juillet de la même année, soit, comme je l'ai dit, 5 jours seulement après notre sortie de prison. Il est nécessaire à présent de revenir sur cette affaire, et je vais, je pense, démontrer que c'est encore un coup tordu de je ne sais qui. En réalité, tout a commencé par des plaintes clients, lesquels se plaignaient que le robinet fuyait toujours après la visite du plombier, que le prix était trop élevé, etc., etc. Des plaintes comme celle-ci, toutes les sociétés de dépannage en ont, et je peux avancer que notre société est probablement celle qui en a le moins. Car, comme je l'ai déjà dit, celle-ci tourne au ralenti, et donc, le nombre de clients est faible. Par conséquent, les plaintes sont rares. Mais comment les plaintes liées au Code du travail et du commerce ont-elles pu atterrir sur le bureau du GIR? La nouvelle police de Sarkozy? Comment quelques plaintes ont-elles pu à ce point intéresser le GIR, surtout lorsque l'on sait que ces plaintes ne pouvaient engendrer des poursuites judiciaires puisque la plupart étaient frappées par la prescription? Comment quelques plaintes ont-elles pu faire autant de remue-ménage dans un service comme le GIR? Je n'ose pas croire que le GIR n'a rien d'autre à faire que de s'investir à enquêter, suivre, surveiller, mettre sur table d'écoute téléphonique des personnes pour, en ne schématisant que très peu, un robinet qui fuit. La réponse est toute simple. Ces plaintes n'ont été qu'un prétexte afin d'obtenir l'autorisation de pouvoir se mettre sur notre dos. En effet, la police désirait, comme lors des précédentes opérations, faire son tour de visite. Car, par conséquent, il lui fallait un prétexte, car on ne surveille pas une personne comme ça, sans motif légal. Et pour ce faire, il n'avait à se mettre sous la dent que des plaintes clients qui traînaient ici et là. Cela suffit pour ouvrir une enquête préliminaire. En définitive, ils ont passé au moins 6 mois à nous filer et à écouter nos conneries au téléphone. Et quand ils ont estimé que le fruit était mûr, de toute façon ils n'avaient pas toute la vie devant eux, ce fut la descente. 140 policiers en action. Ils pensaient peut-être, à tout hasard, trouver je ne sais quoi. Mais rien, ou alors pas grand-chose, n'a été découvert. En tout cas, rien qui pouvait justifier ce remue-ménage. Je pense que les articles bidons des journaux parus durant la garde à vue, qui évoquaient un blanchiment d'argent, 47 comptes bancaires et même de prétendus terroristes, ont eu une influence décisive sur la décision du juge et nous placer en détention. Bien que nous n'ayons pas été mis en examen pour un blanchissement, puisque la police savait que notre argent provenait du dépannage, elle se posait la question quant à son utilisation. Il n'était donc aucunement question de blanchiment, pas plus qu'il n'était question de terrorisme. Quant aux 47 comptes bancaires évoqués par la presse, mais en aucun cas par la justice, cela m'a fait sourire, parce qu'en réalité, il n'y avait qu'un seul compte bancaire et non 47. La justice ne m'a à aucun moment fait état de plusieurs comptes bancaires, sauf celui de ma sœur ou de ma belle-sœur, qui m'avait rendu service en encaissant des chèques clients. Comme j'avais des dettes auprès de certains organismes, je n'avais donc pas intérêt à déposer de l'argent sur mon compte personnel. Mais la presse délire, salit et calomnie sans pitié. Je disais que dans mon expérience avec la justice française, seul un juge me fit prendre conscience que tout n'était pas pourri. Et c'est de lui dont je parlerai, car je pense qu'un autre juge aurait refusé la demande de mise en liberté tout en sachant que le dossier était vide et aurait alors cru que nous étions tous vraiment coupables. Mais ce juge a agi en homme intègre en tout cas. C'est comme cela que je le vis. Il n'a fait qu'appliquer la loi. Comment peut-on, au seul prétexte que j'ai encaissé des chèques clients sur le compte de telle ou telle autre personne pour faire tout ce remue-ménage et affoler la population par un noria de voitures, sirènes hurlantes, feux tricolores grillés, rues empruntées à contresens? Tout ça pour 4 plaintes clients d'un montant total n'excédant pas 10 000 francs. Mon avocat me confia « En 25 ans de métier, je n'ai jamais vu ça dans le couloir du tribunal. Autant de flics !» Et pourtant, compte tenu de sa notoriété, il en a eu des clients, et pas des moindres. Autant de flics pour des chèques clients? Mais lorsqu'on a su qui était celui qui dirigeait Europe Assistance Intervention, il ne s'agissait plus d'une petite affaire. Il faut impérativement la revêtir d'un caractère tantôt mafieux, tantôt de terroriste islamique. Les qualificatifs ne manquent pas. Le facteur ne passe plus. On le sait, différents moyens existent pour surveiller une personne. Et je pense que dès lors que ces moyens sont légaux, cela est donc parfaitement normal. Mais lorsqu'il s'agit de surveillance sauvage, comme savent si bien le faire les agents des renseignements généraux, bafouant ainsi toute loi et morale, cela n'est pas acceptable. De surcroît, dans une société qui se veut civilisée et protectrice des libertés, je le sais. En ce qui me concerne, je suis presque perpétuellement sur écoute téléphonique. J'ai pu en effet le constater à travers certains documents émanant des renseignements généraux et dont l'utilisation n'avait pas pour but d'établir une quelconque culpabilité me concernant, mais uniquement d'essayer tant bien que mal de démontrer que je suis une personne dangereuse ou plus exactement susceptible de l'être. Ces écoutes téléphoniques n'ont jamais rien révélé qui puisse intéresser la justice française. D'ailleurs, les agents des renseignements généraux savent pertinemment que ces écoutes ne leur apportent strictement rien. On peut alors se poser la question suivante. Pourquoi dépense-t-on autant d'argent et de temps? Je crois pouvoir répondre à cette question. Comme je l'ai dit, le motif de ces écoutes n'est pas d'apporter une information susceptible d'intéresser la justice. Non loin de là. Dans un premier temps, le but de celle-ci est de suivre à la trace de prétendus islamistes, non pas parce qu'ils s'apprêtent à commettre un attentat ou même un acte de violence, mais uniquement par mesure ultra-sécuritaire. En ce qui me concerne, je tiens à dire que depuis ma conversion à l'islam, je n'ai jamais été condamné ou même poursuivi pour des actes de violence. Il y a donc de quoi faire désespérer le RG. Et cela fait bientôt 15 années que je me suis converti. Dans un deuxième temps, il s'agit d'intercepter une information susceptible d'être basculée auprès d'un service de police. Je m'explique. Pour gagner ma vie, j'exerce différentes activités commerciales ainsi que certains de mes amis. Ne respectant pas à la lettre les lois commerciales, l'ERG informe un service de police en lui faisant savoir qu'à tel endroit, des islamistes hyper dangereux mènent une activité pas très claire. Ce, afin qu'une enquête policière soit ouverte. Enquête qui leur permettra de nous surveiller en toute légalité. Il est bien évident que lorsque les RG contactent un service de police en l'inondant de qualificatifs tels que islamiste, terroriste, antisémiste, fanatique, intégriste, etc., etc., la police prend cela au sérieux et agit de son mieux afin de faire aboutir l'opération. En général, cela se termine ainsi. Descente policière avec de gros moyens, perquisition. Les agents de renseignement généraux qui, comme à leur habitude, s'invitent pour fouiller, articles de presse calomnieux et prison. Le souci est que parfois les renseignements généraux ont du mal à établir des écoutes téléphoniques. De ce fait, ils se permettent de détourner mon courrier afin de s'informer. Ainsi, j'avais expédié une lettre à un organisme situé à Paris chargé de fournir des numéros ISBN, c'est-à-dire des numéros d'identification attestant l'enregistrement international d'une publication. L'ISBN est attribué par l'éditeur selon une codification internationale. Sans nouvelles, je décide donc d'appeler l'organisme en question. Ce dernier me fait savoir qu'il n'a rien reçu. Ce n'est qu'un mois après que ce courrier lui parviendra. Autre exemple. Un commercial s'était présenté à mon bureau afin de me proposer un contrat publicitaire. Ce dernier, qui est aussi un ami, me demanda si j'avais reçu sa lettre. Tout étonné, je lui dis que non. Lettre qu'il avait pourtant expédiée une dizaine de jours avant notre rencontre. Je finis par la recevoir, mais plus d'un mois après qu'elle fut affranchie. Autre exemple. Une librairie m'appelle pour me faire savoir qu'elle n'avait toujours pas reçu sa commande de livre. Je l'informe que je n'ai jamais reçu la dite commande. Pourtant, elle me confirme, en pianotant sur son ordinateur, qu'une commande pour tel livre avait été expédiée à telle date. Commande que je n'ai pourtant jamais reçue. Il y a deux hypothèses. Soit le facteur ne passe plus, soit quelqu'un s'autorise à détourner mon courrier. N'étant pas plus con que je ne le suis, j'ai conclu donc que ce ne peut être que les agents des renseignements généraux qui agissent ainsi. Je tiens à dire qu'il existe bien d'autres anecdotes que je n'ai pas souhaité narrer. Conclusion. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais vraiment pas où je vais. Je ne peux sortir de chez moi de peur d'atterrir au commissariat à cause de l'affiche. Je ne veux pas exercer d'activité commerciale, par crainte que l'on me mette une affaire sur le dos. Que dois-je alors faire? Je ne dors, ne marche, ni ne travaille en paix, car quoi que l'on puisse dire, lorsque l'on a subi ce que j'ai subi, on finit par devenir un peu parano. Je ne demanderai qu'une seule chose. Si d'aventure vous entendiez que je suis une nouvelle fois en prison, que la presse évoque, comme elle l'a cessé de le faire à notre égard, tel ou tel délit avant de me condamner à votre tour. Réfléchissez. Je crois pouvoir dire que nul homme ou femme sur Terre ne mérite ce que j'ai subi, bien que d'autres aient subi davantage, différemment. Il faudra que tôt ou tard, cette injustice dont sont victimes nombre d'êtres humains se paie, et se paie comme il se doit. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai besoin ni de psychiatre, ni de psychologue, ni de comité de soutien. J'ai seulement besoin que ces gens arrêtent de me persécuter et de me montrer des dossiers bidons. Ceux afin de me nuire.